Bonjour et bienvenue à présent à un enregistrement en compagnie de Nathalie Topoluc que vous pouvez voir pour la première fois à l'écran. Et là, elle nous fait un beau bye-bye dans le cadre de cet entretien où elle apparaît en vidéo, donc ici David, mais en audio, pour cet enregistrement qui se tient lors du mois de janvier de l'année 2021. Donc, tout d'abord, pour débuter cet entretien, Nathalie, je tenais à te souhaiter là, une belle année 2021. Oui, on n'ira pas trop loin dans le futur. Oui, bon. Tout ce qui se passe nous demande à demeurer dans le temps très présent, oui, mais on se la souhaite pareil. Oui, exactement. Là, ouais. En tout cas, en tant qu'égo subjectif, j'espère que ça va être mieux qu'en 2020, là, avec tout ce qu'on a connu de la crise. Mais on verra bien qu'est-ce que nous réserve cette nouvelle année. Donc, c'est sûr que pour débuter, pour les gens qui te découvrent pour la première fois, parce qu'on a déjà fait des entretiens ensemble, là, mais ça date quand même de plusieurs mois, on peut mentionner aux membres du public qui vont écouter l'enregistrement que toi, présentement, tu fais de la consultation en psychologie évolutionnaire. Effectivement, oui. Oui, mais c'est toi. Mais notre dernier entretien date du début de la pandémie. Et on a eu plusieurs conversations ensemble et les consultations ont débuté en 2019 suite à la première vidéo qu'on a fait ensemble concernant Daniel Ménard. Est-ce que tu savais qu'aujourd'hui, ça fait 2 ans aujourd'hui, le 13 janvier, que Daniel Ménard est décédé? Non, je ne savais pas. Ben oui. Curieuse situation. Pour que les gens qui ne connaissent pas, Daniel Ménard a été un consultant dans le domaine là, du coaching supramental. Et, voilà, Daniel. Oui, exactement. Donc, salut Daniel! Oui, c'est ça, exactement. On peut le saluer parce que tous les deux, on l'a connu pendant plusieurs années de temps. Ils ont animé des conférences, ils ont interviewé aussi Bernard de Montréal. Donc, ici au Québec, dans le domaine de la diffusion de la conscience supramentale, Daniel Ménard a été quelqu'un de marquant, là, il faut le dire. Ouais. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver là, des capsules de lui là, sur ma chaîne YouTube quand j'avais fait des entretiens il y a plusieurs années. Mais pour en venir à toi, parce que présentement, tu prends le relais là, en termes de consultation. Et je pense que ça peut être intéressant là, d'expliquer aux gens qui nous écoutent dans un premier temps là, en quoi consiste une consultation que tu peux offrir. En fait, les consultations, il n'y a rien de psychologique. Ça peut frôler le psychologique, mais la plupart des gens qui m'approchent, ils ont déjà une base, disons, du mot supramental. Mais en fait, c'est beaucoup, il y a beaucoup d'écoute là-dedans. C'est que les gens, tu sais, on n'est pas intelligent de ça, mais juste le fait d'être reçu, ça change énormément la perception des gens quand eux parlent. Tu sais, c'est parler pour apprendre, effectivement. Puis quand on est écouté dans son entièreté, dans son intégrité, il y a beaucoup de choses que les gens trouvent leur propre réponse. En fait, les consultations, c'est pas que les gens deviennent dépendants de moi, c'est qu'ils trouvent eux-mêmes leur réponse. Il y a une façon de faire, puis c'est juste des fois, c'est juste un déclic. C'est juste des petites choses. Tu sais, c'est comme mes clients me disent, Nathalie, c'est pas des petites choses, là, c'est des grandes révélations. J'écoute, c'est toi qui l'as trouvé à répondre. Moi, je suis juste là pour écouter et je pose des questions, je fais des mises en vibration, puis les gens, ils disent, ah, mon Dieu, j'avais pas vu de main. Mais ils ont leur réponse, comprends-tu? Donc, j'active quelque chose en termes d'écoute, puis pour eux autres, tu sais, parce que si je commence à leur dire quoi faire, je leur donne des recettes, ça revient au même principe qui a toujours existé avant, ça vient de l'extérieur, fait que là, ils vont me croire. Tu sais, il y a une différence entre croire et savoir, mais tu sais, la croyance, ça vient de l'extérieur, puis on essaye de s'habiller avec ça, là. OK, je crois ça, là, tu sais. Puis tandis que savoir, ça vient de nous. T'sais, je vais te donner, comme je dis toujours, c'est toujours l'exemple de se brûler. Toi, David, tu vas me dire, le feu brûle, puis je ne me suis jamais brûlée. Fait que, ah, ben, je vais te croire, tu sais, la façon que tu m'expliques, le feu, c'est rouge, là, la flamme bleue, là, c'est elle qui brûle le plus, peut-être. Fait que, mettons, si je me suis jamais brûlée, là, je vais te croire. Mais quand je vas me brûler, là, je vais le savoir. Tu vois, ça va au niveau expérientiel. Ben, c'est ça va au niveau expérientiel, mais des fois, c'est pas nécessairement physique, évidemment. Mais c'est que les gens ont beaucoup de savoir, mais ils se laissent toujours embourbé par un paquet de pensées qui viennent d'ailleurs. D'ailleurs, c'est la première leçon, si on veut, de Bernard, que c'est pas l'humain qui pense. C'est une notion que bien des gens semblent ne pas comprendre ça. Mais les gens essaient de comprendre ça intellectuellement parce que ils ont la mémoire de comprendre les choses intellectuellement, mais c'est pas comme ça que ça marche. Qu'est-ce qu'ils pensent? Qu'est-ce qui se passe dans la tête? Une pensée te déclenche une émotion, quelque chose. C'est sûr que ça vient pas du double, là. C'est sûr, t'sais. Surtout avec les événements qui se passent au niveau de la COVID, là. Tout le monde est Exactement, mais je vais t'arrêter ici. On va parler ensemble des événements, mais pour les gens qui sont intéressés à éventuellement te consulter, on peut leur mentionner que dès maintenant, ils vont pouvoir retrouver tes coordonnées là en bas de la vidéo. parfait, merci. Donc, à Ben, ce moment-là, je donnerai par rapport à ton coordonnée Facebook, là, ton adresse parfait. courriel aussi. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Les gens qui me consultent, c'est des gens qui veulent savoir ce qu'ils sont de un. C'est qu'est-ce qui leur passe par leur tête. Et souvent, là, les pensées, ça rentre. Toujours, j'appelle ça par le blind spot, le dark, voyons, La comment t'appelles zone ça? de d'ombre ou de vulnérabilité qu'a la personne. En fait, tu sais, quand tu conduis, là, t'as L'angle l'angle mort. mort. L'angle mort, Oui. merci, effectivement. Puis ça rentre partout par des habitudes, des acquis. Oh, j'ai toujours fait ça, j'ai toujours tourné à droite quand je tourne la rue, puis tout ça, là. Tu sais, les gens sont plus en mesure de prendre aucune décision. Ils sont toujours sur un pilote automatique. Puis après ça, quand il se passe des événements, mais le pilote automatique marche plus. Puis là, ils sont tous dans la laine, dans le parc Belmont, là, que j'appelle, là. Bien, c'est-à-dire que les gens sont déboussolés. Puis justement, je voulais en venir, là, je voulais te faire une brève présentation. Puis par la suite, je voulais discuter avec toi naturellement là, par rapport à la crise du coronavirus, qui est un événement très déstabilisant, qui nous sort de notre zone de confort, de notre zone de connu. Récemment, il y a à peine quelques jours, ici au Québec, le gouvernement a imposé un couvre-feu nocturne, ce qui s'est jamais vu. Dans l'histoire du Québec. Donc, on assiste à plusieurs premières, hein. Le port du masque obligatoire, c'était nouveau l'année passée. Ensuite, toutes les mesures de distanciation sociale, de confinement. Puis là, on est rendu avec une confinement version améliorée, traitement choc, là, avec le couvre-feu en prime. Donc, il se passe beaucoup de choses qui sont déstabilisantes pour l'ego qui est habitué à son train-train quotidien. Donc, comment composer intelligemment par rapport à l'événement d'une crise mondiale comme on connaît présentement? C'est que les gens, qu'est-ce qui se passe présentement, là? C'est une concentration de tout ce qui a toujours été, là. Tu sais, là, je veux dire, les clôtures étaient larges et très loin, fait qu'on n'a jamais été jusqu'aux clôtures. Mais là, qu'est-ce qui se passe? C'est les clôtures qui s'en viennent tout alentour de nous, là, puis les gens se sentent étouffés, là. De un, les gens paniquent parce que les gens sont plutôt mémoriels, ils fonctionnent sur une mémoire, ils sont habitués, comme je disais tantôt, de faire des choses, mais là, tout est coupé. Ils n'ont plus de références. Comment on va faire? Comment on va faire? Fait qu'étant donné que les références arrière, mémorielles, sont comme coupées, là, ils essayent d'aller dans le futur pour essayer de se rassurer. T'sais. Les gens, ils sont soit dans le futur, ils sont soit dans le passé, mais là, il n'y a plus de références nulle part. Fait que les événements parlent par eux-mêmes. Les forces, là, c'est tout organisé, là, cette affaire-là, là, t'sais. En sachant que c'est pas toi qui penses, David, et ni moi, Oui. penses-tu qu'eux autres qui organisent ça, ils savent que c'est pas eux autres qui pensent? C'est le fun. Ben, c'est-à-dire les forces, ils savent que c'est pas nous autres qui pensent, parce que c'est eux autres qui tirent les ficelles. Ouais, je sais, les forces le savent, mais c'est à nous autres à le savoir Oui, avant. ben pour moi, la vie, un peu comme dans le film La Matrice, pour moi, la vie, la réalité dans laquelle on se trouve, le plan physique, c'est une hallucination informationnelle. C'est comme une structure avec un paquet de données qui sont la densification d'énergie qui existe déjà au préalable sur le plan subtil. Donc, Écoute, le corps physique, c'est juste la densification des autres corps qu'on a, là, t'sais. exactement, Je veux dire, là. on est l'atterrissage de toutes les centres d'énergie que tu peux imaginer, là, t'sais. Puis la plupart des gens, où ils se bloquent, c'est parce que on a les cinq sens physiques, le toucher, écouter, goûter ou whatever. Puis ils se limitent à ça, mais il y a d'autres choses qui est là. Puis ça dépend comment on traite la situation présentement. Là, présentement, juste le fait qu'on soit en janvier, on est en période de contraction énergétique. Okay? À comparer quand on est en été, là, il fait beau, il fait chaud, on dilate, ça va C'est très ça, ben, c'est bien. intéressant de faire le parallèle avec les mesures, parce que l'été passé, on a eu une pause du confinement, il y a eu un relâchement des mesures, on a eu de l'expansion, on a pu se déplacer, voyager. Puis là, on est en plein hiver, puis là, on augmente les mesures avec, entre autres, le couvre-feu. C'est sûr que les élèves qui portent le masque en classe, tout ça, fait que c'est très contracté, là, si on fait le parallèle entre les deux. Il y a une grosse contraction de un énergétique, une contraction qu'on ne voit pas. Mais déjà, les gouvernements, eux, imposent une contraction physique dans tout. Puis, toutes les habitudes qu'on a eues depuis l'âge qu'on a, là, peu importe l'âge, Exact. tout ça, là, c'est complètement retiré. Donc, les gens, ils n'ont plus de référence. Fait que là, ils tombent dans un vide. Le vide dans lequel ça a été, les gens, ils ont bien de la misère à prendre leur propre décision. Les gens ont donné leur pouvoir de décision à l'extérieur, donc au gouvernement avant. Ah, il va arranger ça, il va arranger ça. Mais là, la peur, elle s'est installée. Ils ont commencé avec la peur de un. Si tu veux contrôler un peuple, là, mets de la peur. OK? Puis tu veux savoir c'est quoi un esclave? Comment on construit un esclave? Mets de la peur dans Fait que les gens là sont comme, hey, c'est un virus, on ne le voit pas. Je n'irai jamais que le COVID n'existe pas. C'est une grippe qui a muté, qui fait d'autres affaires. Elle a été créée, anyway, là, où on ne rentre pas là-dedans. Mais ne serait-ce que, oui, ça existe. Il y en a qui l'ont, asymptomatique en plus. Ben c'est ça, c'est qu'on nous dépeint la grippe comme étant une menace très grave pour la santé, avec des mesures de 2 mètres, de masque, de couvre-feu, puis il y en a qui l'ont, puis sont asymptomatiques. Fait que c'est pas aussi fort que peut l'être, par exemple, l'Ebola, où ce que la personne qui a là, c'est une fièvre sanglante, puis il y en a un sur deux qui meurt, là, tu sais. Quand on parle Effectivement. d'une grippe qui est asymptomatique, ça nous ramène ce fait-là, je trouve, au principe que tout est reçu selon la forme du récipient, ou comme disait Béchamp, tout est reçu en fonction de la nature du terrain. Donc, si la personne a un corps qui est en santé, un corps qui est résilient, bon, une capacité d'adaptation, mais ça se peut que ce soit asymptomatique, tandis que l'autre, qui a plusieurs comorbidités, problèmes cardiaques, problèmes multiples de santé, ben c'est sûr que la personne est immunosupprimée et autres, elle risque d'avoir des complications, même d'en mourir, là. Mais encore là, tu sais, je veux dire, si on regarde, c'est une façon individuelle, OK? Là, tout ce qui est coronavirus, là, on demande de rentrer dans un mode collectif, une façon de penser collective. Là, il faut penser à tout le monde. Là, il faut guérir. Il faut protéger tout le monde de nous et de nous se protéger du monde. Fait qu'ils veulent carrément isoler les gens. Puis là, ça fait plus qu'un an, on nous martèle une façon de penser, là, tu sais, là, il faut protéger les Ben, autres. plus qu'un an, c'est parce qu'on se rapproche d'un an, là, c'est sûr, ça a commencé au 13 de mars, là, où le Québec sur pause, là. Mais c'est vrai qu'en fait, pour ce qui est du monde, si on pense à la Chine, c'était déjà en cours, là, au mois de décembre puis janvier. Mais pour ce qui est du Québec, l'histoire du confinement, ça a commencé au mois de mars. Oui, absolument, tu sais. Puis je veux dire, il y a un temps, là, tu sais, je veux dire, on peut dire, tu sais, si on y va sur le premier étage, sur le premier fait, là, tu sais, Oui. Trudeau, il a pas fermé les frontières quand tout le monde annonçait la grippe, puis lui, non, on va garder les frontières ouvertes. Il y a de l'incohérence partout. Ça me dérange pas, là. Quand c'est intelligent, de l'intelligent, mais là, il y en a pas. On dirait que ça tire des bines un peu partout, là, puis là, ça fait des études de marché, voir comment la population va réagir. Fait que là, puis il y en a beaucoup qui réagissent face à ça. Puis là, ben, qu'est-ce qu'ils font? Mais là, on met des conséquences, on met des billets. Là, il y a peut-être le camp COVID, là. Mais tu sais, la peur est semée dans toutes les sphères à 360 degrés complètement, là. Puis il y en a qui sont pas capables d'avoir de pouvoir de décision. Ils n'ont aucun esprit critique. Donc, ils sont embarqués dans la masse, là, la pensée massive, collective, hallucinante. Fait qu'une prise de décision, une identité, ça a un ground. Fait que quand t'as pas d'identité, t'as pas de prise de décision, t'as pas de ground. Si tu te fais ramasser par le courant, là, ça fait comme un effet qui aspire, là. Fait que le monde, là, ça se ramasse, là, dans le gros courant, là, tu sais. Ben oui, Ça appelle ça. ben c'est ça exactement, là. Tu sais, c'est sûr que si les gens se font laver le cerveau par les médias de masse, à coup, le gouvernement dépense à coups de millions puis plusieurs mois pour une fin de campagne là, de propagande, là, comme de quoi que le virus est dangereux, puis il faut vraiment se restreindre, puis éviter les contacts, ça fait des gens de plus en plus isolés, là. Écoute, tu sais, il faut jamais oublier que chacun de nous, chaque humain, a une programmation très, très, très individuelle. T'sais, je veux dire, peut-être que tu l'auras pogné, la grippe, cette année, mais à cette heure, c'est tout du COVID, il n'y a plus de grippe, là, en passant. Ah, a disparu, les grippes, là. Bien, par Mais je rapport veux dire... à ça, je veux quand même le contextualiser parce que j'ai été sur le site d'INESPQ, l'Institut national de la santé du Québec, parce que sur les chiffres, le nombre de grippes depuis le mois de mars dernier avait disparu. Puis là, il est apparu depuis une couple de semaines une explication comme de quoi que les tests qui servaient les autres années à évaluer la grippe, là, ils sont tous mobilisés pour le COVID. Fait que ce qui fait qu'ils ne testent plus la grippe, puis c'est pour ça que la statistique a disparu. C'est pas que la grippe a disparu, c'est juste qu'ils ne la comptabilisent plus parce que tout est mobilisé pour faire des tests de coronavirus. Écoute, avec tout l'argent qui est dépensé au niveau gouvernemental, là, tu sais, si le COVID est plus là dans le tableau, là, ça va mal pour les calculs d'entreprise, whatever, là, tu sais, de marketing, whatever, tu sais, on peut aller dans bien des sens puis tout ça. Il faut juste savoir que la contraction et l'imposition qui se passe, ça crée chez les gens, là, ils ont plus aucun repère et leur manque d'identité se fait savoir dans la peur totale. Parce que les gens sont pauvres, sont habitués d'avoir une prise en charge extérieure à eux. T'sais, on va tout donner au cube. Ben avant, c'est le curé, à ça, c'est médecin, l'avocat, le notaire, tout ce que tu veux. T'sais. Fait que les gens en prise de décision, ils ont de la misère. Que ça soit, puis les gens ont peur de prendre leurs décisions, puis surtout, ils ont peur des conséquences, tu sais. Fait qu'ils s'imaginent. Fait qu'il Ben, y a quoi toujours qu'il peut avoir raison d'avoir peur des conséquences. Si tu sors dehors, à mettons, après 20 h le soir, puis t'as une amende entre 1 000 puis 6 000 $, ça commence à être des conséquences importantes, là, tu sais. Ou si tu portes pas À le... 21h01, c'est dangereux. Attention! Ouais, ben c'est ça, exactement, là, tu sais, l'histoire du couvre-feu, t'sais, des fois, j'essaie de comprendre la logique. OK, moi, si je marche tout seul là, dans mon quartier tranquille, je rencontre pas personne, à 21 h 01, là, je peux être un dangereux individu qui contamine le monde, mais je fais des farces, là, mais je comprends qu'ils veulent réduire les contacts comme ça, mais je me pose tout le temps la question de la pertinence de ça, puis du fait que l'idée d'un couvre-feu, je trouve que ça va renforcer la peur du coronavirus. Dans le sens que ah, le virus est tellement méchant que là, il faut que les gens arrêtent de sortir le soir, puis on va tous se contaminer ou tu sais. Mais écoute, ça va encore sur la croyance, là. T'sais, les gens qui n'ont pas l'information à l'intérieur d'eux, désolé, ils vont se fier sur qu'est-ce qui est dit à l'extérieur, là, t'sais. C'est que les gens ne sont pas habitués de se référer à eux par en dedans. C'est pas une question d'exercice, mais à un moment donné, il faut te poser la question. Qu'est-ce que j'ai à comprendre dans tout ça, puis moi là-dedans, là, t'sais, parce que mais les gens, ça, ils demandent toujours des recettes extérieures, puis là, ça demande au gouvernement de toute façon, le gouvernement, là, à cette heure, même s'il y a plein de questions, là, ça l'écoute plus, ça fait juste imposer des choses, t'sais. Que ce soit Exactement. au niveau au Québec, en Italie, là, c'est rendu mondial, cette affaire-là. Là, c'est partout, c'est pas juste isolé, là. T'sais, quoi que le Québec, là, on n'est pas pire, on est les premiers confinés, en Amérique, là. Oui, on a des mesures quand même assez sévères au Québec, mais c'est la même chose parce qu'il y a des gens qui m'écoutent, entre autres, en Europe, en France, en Belgique, que je vous salue, puis là, nous autres, on rattrape les Français parce que depuis l'automne, eux autres, ils ont le couvre-feu en France et on se ramasse dans des pays occidentaux avec des mesures très autoritaires, tu sais, des mesures qui font penser à des régimes de dictature, tu sais, qui vont réduire vraiment les libertés et les droits individuels. Et dans le fond, c'est sûr que par rapport à tout ça, c'est déboussolant parce que, tu sais, avant la crise, bon, on vivait une certaine abondance sur le plan matériel, une certaine liberté, une certaine insouciance. Puis là, depuis le début de la crise, ça va comme tout casser ça. C'est de l'imposition qui se passe là, présentement. C'est de l'imposition de l'extérieur, là. Fait qu'ils nous obligent à fonctionner de telle façon. Puis ils ne demandent pas à personne si ça fait leur affaire. Non, c'est une imposition totale et totalitaire. On n'a pas le choix, sinon il y a des conséquences. Qu'est-ce que ça fait dans la tête des gens? Ça nourrit la peur. Ils ont semé la peur et ils l'entretiennent à tous les jours. T'écoutes la télévision, t'écoutes la radio, là. Il y a un message, je pense, qui passe, là, dans leur séquence de publicitaire, il y a toujours le message du gouvernement. Fait qu'à un moment donné, c'est que ça rentre tellement, c'est tellement répétitif que les gens, à un moment donné, prennent ça pour acquis, puis là, ça devient une vérité, évidemment. Exactement. La vérité. Donc, il y a de la croyance, il y a de la peur, il y a de la croyance, maintenant, il y a de la vérité. La vérité n'est qu'une polarité, entre autres, là. Ouais. Ça fait que là, il y a quelque chose, là, tu sais, il y a deux choix. Tu es victime ou ben non, tu décides d'agir. Mais on est encore au stade, tu sais, bon, il y a eu des démarches de fait par certains groupes et tout ça, d'agir, tu sais, puis de faire des marches puis tout ça. Mais eux autres, les gouvernements, qu'est-ce qu'ils font avec ça, là, tu sais, t'auras beau dire, moi, je porte le masque, je le porte rouge, là, tu sais, d'Alexis Cossette, là. C'est pour dire, je le porte, mais je compte ça, là, tu sais. Mais c'est quoi dans tout ça, là? C'est quoi, là, tu sais, là? Est-ce un coup d'épée dans l'eau, tu sais? Quoi que ça définit pareil, tu sais, j'ai jamais été capable de suivre les flèches à terre. J'ai essayé, mais je suis toujours à l'envers. Je suis faite de même, c'est pas par attitude, là. Moi, là, quand ça dit je m'en vais là, flèche ou pas. Mais là, le problème, là, c'est que tout le monde devient une police de tout le monde, vraiment Ben comme un pays. c'est ça, c'est comme on est comme dans le temps du communisme, là, en l'ancienne URSS, avec le communisme, avec un climat de délation. Tout le monde espionne tout le monde peut dénoncer son voisin s'il fait un party chez lui avec plusieurs personnes. Donc, on valorise que tout le monde espionne tout le monde pour que tout le monde se confirme aux règles et aux structures très rigides qui sont mises en place au nom de la menace du virus, ouais. C'est parce que là-dedans, il y en a qui n'ont jamais eu d'autorité, puis ils sentent pour la première fois qu'ils ont une autorité dans la vie. Fait que, regarde, c'est la laine en terre là, qui se promène. Là. Je veux Bien, dire. ça peut amener justement des abus d'autorité. Tu sais, la personne qui force à l'entrée d'un commerce, lave-toi les mains, puis il met une pression comme si tu ne lavais pas les mains, tu étais un dangereux criminel. Non, il y a ton masque sur le nez. Ben c'est ça, s'il n'est pas comme faux, puis tu sais, il y en a qui avaient un dictateur en eux qui n'était pas éveillé, puis la crise, c'est comme un prétexte, puis là, ça s'enclenche. Mais tout événement est un déclencheur. Chaque personne, Ménard, il disait tout le temps, il dit, une personne, c'est un événement. Donc, un événement, c'est un déclencheur dans nous, là, tu sais. Fait que ça, tu sais, c'est, je veux dire, on peut avoir des mémoires à quelque part, mais on pense qu'ils sont plus là, mais quand il y a un événement qui déclenche cette mémoire-là, puis là, on se rend compte, ah, elle est encore vivante, elle est encore déclencheur d'émotions dans nous. Une mémoire qui a été neutralisée, c'est une mémoire qui a plus de. C'est une mémoire, ça se brûle pas en passant. Là. Une mémoire, ça se neutralise émotionnellement. On a fait les polarités, puis à un moment donné, pouf, elle est là. C'est comme un tableau que tu accroches sur un mur. Il est là depuis 20 ans. Tu sais qu'il est là, mais il occasionne plus rien d'émotionnel. Une mémoire, c'est pareil. Là, mais là, présentement, qu'est-ce qui se passe là? Là, c'est la panique, il y a une grosse énergie qui descend, là. Mais elle descend pour tout le monde, OK, en passant, là, cette affaire-là. Et puis, la semaine passée, dans la Genèse du réel de Bernard, il parle beaucoup des adeptes de l'astral. Je sais pas si tu as lu ce Oui, bout-là. ben j'ai tout lu le livre, mais je m'en rappelle plus parce que ça fait quand même un certain nombre d'années, mais je me rappelle, ben peux-tu nous remettre en contexte, hein, pour le bénéfice des gens qui nous écoutent aussi? Les adeptes de l'astral, il faut savoir que Bernard, quand il parlait, jamais qu'il donnait des choses concrètes. C'est toujours volatile, c'était toujours Au niveau du principe. des choses, tu sais, Ouais. là. Puis, ce que Ménard, lui, avait fait plus tôt, c'est lui, il amenait ça dans le quotidien, OK? Ça fait que là, c'est au niveau du principe, mais quand tu lis les adeptes de l'astral, je sais pas, je pourrais peut-être le mettre sur ton site et tout ça, là, c'est vraiment intéressant parce que, comme je disais tantôt, c'est pas nous qui pensons et c'est ni eux, les dirigeants mondiaux. Tu sais, je veux dire, c'est toujours une pyramide, il y en a toujours un qui pense, puis le restant, c'est les porteurs de drapeau qui vont agir sur, c'est juste des récipients puis d'action, qu'est-ce qui se passe dans leur tête, là, tu Non, sais. non, mais c'est Eux juste autres des sont. marionnettes qui sont manipulées par ceux qui infusent la pensée dans la psyché des individus, là. Oui, c'est que, tu sais, si tu penses, si quand on regarde ça, c'est pas eux autres qui pensent, c'est qu'est-ce qui descend dans leur tête et qu'est-ce qui fait que qu'ils sont des exécutants de tout ça, là. Il y a une grosse énergie très, très, très condensée qui descend. Et tout dépend des filtres. On est tous des filtres, nous autres, là, Oui, bien selon notre sûr. programmation, ce que tu veux, puis comment ça fonctionne, tu sais. Mais là, ce qui sort le plus, que ce soit les proches alentour, mais je suis chanceuse, c'est ma mère, tout ça, eux autres, ils n'ont pas de peur, ils sont juste enragés puis des frustrés, là, quoique ça fait le même job, pareil, là, tu sais. Mais, tu sais, c'est soit que tu as peur ou ben non, y en a qui chialent, puis ils deviennent agressifs. Ça, j'ai été témoin d'agressivité, là. T'approches pas de moi, t'es dans mon 2 mètres, là, la commande à partir de toi et bord, là, tu sais. Puis imagine le taux de suicide, là. Il y a personne qui en parle beaucoup, là, au niveau des médias, là. Ça, là, Bernard a toujours parlé d'un gouvernement mondial. Le taux de suicide qui se fait, on est vraiment là-dedans. Donc, dans le lien des Mais juste adeptes. arrêter un petit peu là, c'est qu'au niveau des statistiques de suicide, c'est sûr, selon les chiffres officiels à l'automne dernier, il n'y aurait pas eu d'augmentation significative, mais là, c'est sûr, ça peut être sujet à discussion là. Il va en avoir énormément. Ça risque d'arriver si on continue d'être sous tension, parce que là, bientôt, quand on va être rendu au 13 de mars, parce que ça avait commencé un vendredi 13, ça va faire un an que les gens sont sous tension. Puis, comme je discutais, là, j'ai fait un entretien récemment avec Olivier, puis lui disait, c'est comme les rondes où c'est un combat de boxe. Faire le premier round, c'est pas trop pire, il n'y a pas trop de gens qui tombent. Le deuxième, peut-être un petit peu, troisième, puis là, plus que tu montes, puis plus que les gens ont pas la contenance de continuer le combat en dépit de l'adversité puis la tension énergétique. Fait que moi, j'ai l'impression qu'au fil des mois qui vont passer, il y a des gens de plus en plus qui vont sombrer dans des problèmes de santé mentale, comme la dépression, entre autres. Mais de toute façon, les chiffres qui nous manquent là, au niveau gouvernemental, c'est beaucoup, beaucoup est relié. Là, tu vas mourir d'une crise cardiaque, c'est COVID. Tout est relié à la COVID. De toute façon, il n'y a plus d'autopsie qui est pratiquée. Puis le nombre de suicides, c'est sûr qu'ils mettront pas le nombre de suicides réels reliés à tout ça, là, parce qu'eux autres, ils veulent pas ça, là. La seule affaire, ils veulent que ça va bien aller, on va essayer de contrôler tout ça, mais là, c'est plus rendu sanitaire, c'est vraiment rendu politique. Il y a un plan en arrière qui se défait, qui se dessine, là. C'est bien clair. Je ne sais pas, là, si je pense, tu dois le voir, David, là, tu sais, t'écoutes le gouvernement, là, c'est bien clair, le manque de cohérence totale là-dedans, là, eux autres, ils essayent d'appliquer quelque chose qu'on leur dit de faire, bien, ils le font, mais des fois, là, il y a des embûches là-dedans, fait que c'est bien clair ce qu'eux autres pensent, là, t'sais. Eux autres, ils essayent juste d'exécuter de quoi, mais c'est dur, c'est autant dur pour eux autres, j'excuse rien en passant, Non, non, c'est sauf sûr, qu'il c'est y pour... a un rôle à jouer, Oui, chaque exactement. personne a une fonction à faire, OK? Exactement, là, mais c'est sûr qu'en lien avec ce que tu dis, ben c'est sûr que quand on regarde le manque de cohérence, ben tu te rappelles que moi, au printemps, le docteur Arassure a dit « Non, non, le masque, là, laissez ça pour le personnel en santé, mettez-vous pas ça dans la face, vous allez vous contaminer. » Fait que le masque, il disait non. Ensuite, le masque, il dit « Ah, ben ça pourrait être bien de porter le masque. » Ensuite, fortement suggéré, puis au mois de juillet, alors que le virus circulait presque pas, obligatoire, puis on dit « Ah, c'est pour bien, on va vous entraîner sur une autre vague à l'automne. » Là, tranquillement, on nous annonçait une autre vague pour l'automne ou un autre manque de cohérence évident. Bien, il y a une vidéo qui circule présentement par rapport au couvre-feu, parce qu'au printemps dernier, au mois de mars, la question avait été posée en point de presse. François Legault, puis le docteur Horacio Arruda, ici au Québec, qui dirige. Puis il dit non, c'est pas dans les cartons là, de la santé publique d'aller de l'avant avec un couvre-feu. Puis naturellement, ils vont de l'avant avec ça présentement. Ben oui, regarde, COVID-21, tout ce que tu veux, là, tu sais, il y a les lanceurs d'alerte qui annoncent un paquet de choses, là, tu sais. Il y a pas grand monde que je veux suivre, là, surtout sur Facebook, là. Les gens, là, ils font juste dénoncer de quoi, puis qu'est-ce que ça reste avec nous autres, là, on est juste enragés. Là, ça fait que ça sert à rien, là, tu sais, là. Puis Facebook, là, il y a du fake news, il y a Exactement. tellement de... Il y a tellement, tellement d'informations qui arrivent de toutes parts. À un moment donné, là, il faut que ça arrête, là. C'est juste que c'est individuellement, il faut gérer ce qui rentre. That's it, là. Est-ce que vous êtes bien dans la peur? Est-ce que les gens sont bien dans la peur? Il y en a qui aiment ça. T'sais, ça les fait sentir, quand ils sont dans la merde, là, ah, je me sens vivre là-dedans, là, t'sais, puis écoute, Bien, ils vivent par procuration à travers l'émotion, comme quelqu'un qui se nourrit d'écouter à répétition des films d'horreur. Comment tu dis ça? Ils se nourrissent par procuration à travers l'émotion qui leur donne le sentiment d'être vivant, comme quelqu'un qui va se nourrir d'écouter des films d'horreur à TV. Ben absolument, là, tu sais, mais hier, c'est drôle parce qu'on a un groupe de discussion, là, qu'on fait ça une fois par semaine. Ceux qui veulent se rejoindre, vous pouvez me rejoindre sur mon Facebook. Je fais des tris, il y a du monde là-dedans, mais c'est des rencontres qu'on fait virtuelles, c'était extraordinaire. Puis c'est ce qu'on parlait hier, d'ailleurs, les gens qui sont dans le trouble, il y en a, là, qui aiment ça. Moi, là, quand je suis dans le trouble, je me sens vivre, là, tu sais. Mais, tu sais, c'est pas toi qui penses, là. Tu sais, l'entité qui te passe dans la tête, là, elle est morte. Elle a plus la notion de pensée. Le seul être, sa planète qui est dotée de pensée, c'est l'être humain. Pas les animaux, pas rien, pas les poissons, tout ce que tu veux. Quand tu meurs, tu perds ta faculté de penser. Fait qu'eux autres ils deviennent une poche de mémoire au niveau astral. Puis ceux qui se collent à nous autres, là, pour se faire sentir vivants, ils vont déclencher une pensée qui va déclencher une émotion. Et c'est l'irradiation de l'émotion qui va faire qu'eux autres ont l'impression de vivre. OK? Ça fait que ça, là, il y en a, là, il y en a une hier, elle dit, moi, là, ma cousine, je sais pas quoi, là, elle aime ça être dans la merde, là, parce qu'elle a l'impression de vivre, mais j'ai checké, là. Ça, c'est l'entité qui est là, qui veut pas se décoller d'elle, là, tu sais. Il y en a, là, tu leur parles, ils sont dans la merde, puis là, ils parlent, puis là, il y a un crescendo, la peur, la peur, la peur, la peur, la peur, là. Puis, hey, je vais réussir, ça va bien aller, tu sais, là, il y a toujours comme l'aspect du héros un peu là-dedans, tu sais. Il y a beaucoup de notions dans tout ça, là, tu sais. Oui, bien, c'est sûr qu'il y a des gens qui se font vampiriser leurs énergies vitales malgré eux et sont manipulés à travers la crise. Puis c'est sûr que quelqu'un qui écoute le bulletin de nouvelles de TVA ou de Radio-Canada présentement, que l'écran rouge, puis le nombre de cas à chaque jour de gens atteints du coronavirus, le nombre de morts, etc., la façon que c'est présenté, les urgences sont sur le bord là, de déborder, on est sur le bord de la rupture de service. C'est tellement mis en scène, puis c'est tellement fort comme image que je suis sûr qu'il y en a qui doivent faire des crises d'anxiété quand ils écoutent ça, là. C'est les lois d'impression, David. Les lois d'impression, là, quand tu n'es pas en prise de décision, tu te fais envahir par les lois d'impression. C'est ce qu'on appelle le marketing. Le marketing, tiens, là, Ou je le suis pas répété. marde-cutting, comme diraient certains. Le quoi? Le marde-cutting. Ils nous mettent dans la marde pour nous convaincre, là, mais on joue un peu sur les mots, là, mais... Mais le pire, c'est quand t'en sors plus la merde, c'est ça que c'est là le problème. Bien, c'est parce qu'à un moment donné, il y a une saturation sensorielle qui s'installe, parce que plus qu'il augmente en intensité, je sais pas toi si tu as eu comme moi, là, ben sans doute, là, tu sais, sur ton téléphone intelligent, là, les alertes, là, de la santé publique, là, qui prennent le contrôle, là, la télévision, la radio, le téléphone intelligent, tu as un message, là, il y a une alerte COVID, puis là, j'ai eu deux messages à l'heure actuelle. Mais comme je disais l'autre fois à ma compagne, ben j'ai dit, s'ils font ça à répétition, ils vont créer une désensibilisation systématique, dans le sens que moi, quand je vais entendre le bruit, je vais dire, c'est encore des niaiseries que le gouvernement essaie de nous faire peur. Et peut-être un jour, il y aura une vraie alerte Amber, parce que c'est le même type de canaux qui est utilisé pour signaler, par exemple, le kidnapping d'un enfant, puis je ne porterai pas attention, alors que ça serait une alerte qui est sérieuse, tu sais. Mais là, ça, c'est comme crier au loup, hein? Oui, C'est c'est ça. toujours, la même affaire que de crier au loup. Mais Exact. eux autres, Là, présentement, eux autres aussi, il y a un crescendo, là, ils ne savent plus comment alerter les gens, là. Il y a une saturation de peur, puis là, il faut trouver d'autres stratégies, comme la dernière stratégie, c'est de mettre le bâillon, là, de mettre le couvre-feu, là. Qu'est-ce que ça va être, là, dans le futur? C'est pas important. Les gens qui ont de l'anxiété, là, ils essayent de contrôler le futur, là, qu'ils savent même pas, là, tu sais. C'est que là, ils se préparent des scénarios, là. Puis là, si ça se passe ci, là, je vais faire ci, je vais faire ça. De C'est toute ça, façon, mais en ça. même temps, c'est plate à dire, mais tu sais, comme tu vois, avant que le confinement a commencé là, à partir du temps des fêtes, qu'on ne pouvait plus acheter de produits essentiels, ben moi, je suis content de mon côté. J'ai fait des réserves par rapport à, tu sais, à certaines choses. Fait que là, si le confinement qui est supposé de se terminer là, pour le 8 février se termine pas, ben moi, tu vois, je me suis acheté des linges en vaisselle en surplus. Tu sais, je me suis acheté de la nourriture en surplus. Mon rouleau de papier de toilette, on en avait parlé au mois de mars dernier. Ça, là, j'en ai plein chez moi, là. J'ai au-dessus d'une cinquantaine de rouleaux, là. Comme ça, je serai pas dans la marde, là, au printemps, là, où s'il manque d'inventaire. Fait que des fois, ça peut être bien de se préparer, de se préparer parce que... Mais en même temps, je suis d'accord avec toi qu'il faut pas carburer à l'anxiété. C'est de trouver juste l'équilibre entre les deux parce que... Tu sais, si tu te prépares pas, puis l'histoire des services, des produits qui sont pas essentiels, ils se vendent pas, puis tu as besoin de certaines choses, bien là, tu es dans le pétrin, là, tu sais. Mais encore là, tu sais, ils sont essentiels, ils sont pas essentiels au Dollarama, puis ils sont essentiels là, chez Canadian Tire, là, ça, tu sais, comme je te dis, il y a aucune cohérence dans les choses. Mais de toute façon, quand la vie va répondre à des besoins quand même, là, tu sais, puis ça va toujours demeurer individuel, David, parce que si on commence à rentrer dans la pensée collective qui nourrit la peur. On va juste avoir peur. La peur Exact. de manquer quoi? La peur de manquer quelque chose. Ça fait que c'est ça qui ça fait. Il y a énormément de réactions qui se passent chez les gens, là. Ils ont peur de perdre. C'est quoi ça, peur de perdre? Perdre quoi? Ben là, il y a plusieurs choses à perdre. Tu as des gens qui vont probablement perdre leur commerce, tu sais, des restaurateurs, des gens qui ont des salles d'entraînement. Si à un moment donné, là, ils réouvrent pas après un certain nombre de semaines, de mois, puis j'imagine que l'aide gouvernementale ne sera pas éternelle non plus. Tu sais, c'est bien beau la PCU puis l'endettement, mais ça fait un temps. Donc, à un moment donné, j'ai l'impression qu'il va y avoir la fermeture de beaucoup de petites PME, puis il va y avoir un effet boule de neige là, sur l'économie, avec un effet domino pour la perte de d'autres emplois, probablement. Ils sont en train de tuer l'engrenage qu'on a eu là. Tu sais, un engrenage là, c'est des petits trous là, comme une horloge là. Tu sais, fait que là, ils sont en train d'enlever les vis. Ils enlèvent, tu sais, c'est ce que je trouve dommage également aussi. C'est le restaurant. Le restaurant est né d'une vibration, d'une idée de quelqu'un. Puis, tu sais, c'est des rêves. Ils ont investi du temps, puis du jour au lendemain, plus rien, là, t'sais. Donc, c'est bien clair qu'il y a un plan qui se dessine en arrière de tout ça. C'est pas local. Là, c'est rendu mondial. Donc, tout va être géré et contrôlé. Il va y avoir un pic, là, tellement énorme à un moment donné. T'sais, je veux dire, on pourrait même quasiment plus respirer, là, parce qu'eux autres, ils sont obligés d'augmenter en crescendo des crises, des crises, C'est des crises ça, tout puis le des temps. mesures, là, parce que, tu sais, là, après le confinement à 20 heures, peut-être que comme les Français, ça va être à partir, dans le fond, de 6 heures le soir, 18 heures. Mais écoute, là, présentement, ce qui est important, David, c'est plus Oui. aller dans. Il faut pas aller dans le futur parce que là, ce n'est que la crainte qui décide des scénarios qui va se passer. Si on essaye d'aller dans le passé, mais il n'y a plus rien qui existe du passé, on ne vit plus comme dans le passé. Fait que Non, là, les événements exactement. qui sont en train de nous dire présentement, là, c'est demain dans le présent. Et puis là, on n'a plus de temps, David. Le temps est psychologique, là, quand c'est bien Oui. instant. Là, le temps n'existe plus. Il y a un espace qui se dessine en termes d'identité. Et là, ce que ça veut, là, eux autres, les forces qu'ils veulent, c'est qu'on commence à communiquer avec eux autres. Okay? Mais c'est sûr, si tu es bourré de crainte et tout ça, là, tu peux pas avoir une communication interne. Mais il va y avoir beaucoup, beaucoup de pertes. J'aime pas ça parler de même. Mais présentement, les événements, il faut savoir lire les événements. Et ce que ça demande, ça demande qu'on reste dans le temps présent et tout se passe dans le temps présent, David. C'est rien que ça, là, présentement. Et le temps, avant, là, tu sais, dans les années 90, on disait du Bernard, puis là, ah oui, OK, bon, ben c'est ça, là, on va développer notre contact, puis tout ça. Mais là, c'est là que ça se passe. Fait que les gens, ils doivent avoir une habitude, j'aime pas dire, ah, il faut que, whatever, là, mais avoir l'habitude, qu'est-ce que j'ai. C'est toujours la même question, ce que je dis souvent dans mes consultations, avoir l'habitude de toujours poser la question, qu'est-ce que j'ai à comprendre dans cet événement-là? Puis là, c'est pas poser la question par curiosité égoïste. Pose la question, oublie-la, passe le balai, fais d'autres choses. La réponse va arriver dans son temps à elle. C'est pas toi qui décides du temps de la réponse en passant. OK? Fait que si tu penses contrôler ce qui se passe, là, fait que là, on est rendu vraiment là, dans un temps où tout va s'enligner, là, puis où le meilleur de l'humain sort, c'est quand tu es dans la merde. C'est pas quand ça Mais va c'est bien. malheureusement, c'est dans le même contexte aussi que le pire sort. T'sais, à travers une épreuve, ça permet de définir les individus, puis il y en a qui peuvent sombrer dans le crime, tandis qu'il y en a d'autres qui vont faire de l'aide humanitaire. Tout va arriver. Tout est possible. Tu sais, je veux dire, quand tu regardes les gens, là, ceux qui sont dans la rue, ceux qui Des itinérants. les itinérants, mais eux, c'est les survivants. Là. Eux autres, s'il se passe quelque chose, c'est eux autres qui vont nous enterrer bien avant. Là, tu sais, eux autres sont habitués de vivre dans de la merde puis de se débrouiller. Là. Tu sais, c'est comme les gens là, qui sont dans. Comment je te dirais, ils ont toujours été habitués à faire du troc, à se débrouiller autrement. Eux autres, ils ont un système de débrouillardise extraordinaire que nous autres, ben, ah, on attend le chèque, ah, on entend, on va Mais le aller au gouvernement frigo. développe une culture comme ça. Tu sais, si tu regardes Justin Trudeau avec la PCU, Prestation canadienne d'urgence, qui est devenue la PCRE, puis on parle de la possibilité que ça devienne un revenu minimal garanti pour le mois d'avril. Bon, certaines personnes avancent ça sur Internet, mais on verra bien, là. Mais je veux dire, il y a une mentalité de dire aux gens, mais restez chez vous, vous avez votre chèque, ça va bien aller, le gouvernement s'occupe de tout. C'est ça, mais je dis, ils aplatissent, là. Là, c'est qu'ils sont en train de développer la prise en charge. OK, prenez-moi en charge, je suis malade, j'ai peur. Là, le gouvernement, il arrive avec ça, là. Fait que les gens, le gouvernement, qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est qu'il est en train de briser les prises de décision des gens et de casser l'identité. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent pas d'individus qui aient sa propre pensée. Ça veut une pensée unitaire. Communiste, c'est une seule façon de penser. T'sais. Je disais, là, ils appellent les complotistes, là, ces gens-là. Là. Ça a toujours été David, là, t'sais. Oui, Avant, là, c'est ça, c'est t'sais, je que disais, exactement. ce que je veux dire, c'est que dans le temps, là, la religion était très forte, puis si tu allais contre le curé, tu étais traité d'hérésie. Aujourd'hui, le mot hérésie, ça a juste changé par Ben, complotisme. hérétique, là, tu veux dire? Ben, tu sais, l'hérésie, là, t'avais n'importe quoi, là, tu contestais le curé, là, voyons donc, là, et là, t'étais excommunié à plus Ouais, c'est finir, ça, là. là, t'étais le mouton noir parmi les brebis blanches. Donc, c'est sûr que t'étais le bouc émissaire. Puis, tu sais, c'est sûr qu'au niveau stratégique, politique, on a vu ça dans différents peuples. Si on pense à l'Allemagne nazie, le bouc émissaire, c'était les Juifs. Donc, tu sais, pour les communistes, le bouc émissaire, c'était les capitalistes. Fait qu'il y a tout le temps eu des oppositions. Puis c'est sûr que ça m'amène, entre autres, à te parler du phénomène d'opposition contrôlée. Parce qu'il y en a qui parlent que présentement, il y a des gens, des médias alternatifs qui sont manipulés pour, dans le fond, amener l'agenda mondialiste malgré eux, en servant, en exacerbant là, des tensions sociales pour justifier encore plus de mesures de répression. En fait, là, qu'est-ce qui se passe, c'est le chaos, la théorie du chaos qui appelle au niveau psychologique. C'est que là, les gens, on veut juste regarder à Noël, là, tu sais, oui, il va y en avoir, vous allez pouvoir recevoir à Noël, blablabla. Là, les gens sont comme apaisés, puis là, à un moment donné, pouf! Fait que là, les gens, là, tu sais, au niveau de leur tête, au niveau C'est ça, juste le psychologique, mettre en contexte pour les gens en Europe qui nous écoutent, c'est que nous autres, on nous a fait miroiter au Québec, ah, vous allez pouvoir vous rassembler, mais en autant que c'est 6 personnes. Puis ça va être sur 4 jours. Puis là, les jours passent, puis non, non, ça sera pas 4 jours, ça va être 2 fois. Puis là, tranquillement, puis finalement, ils enlèvent ça, puis on n'a pas le droit de se réunir. Fait qu'ils ont créé un espoir, ils ont créé une bulle d'espoir, puis comme tu le dis, le gouvernement a cassé ça. Fait que là, ça crée un choc, puis les gens ont été sidérés. par rapport à ça. Il y en a eu plusieurs qui ont été en état de choc, en état de désespoir, parce que c'était créé justement de l'espoir. C'est que, ben c'est ça, là, il attire les gens, il attire le troupeau de telle façon, finalement, au lieu de laisser la barrière ouverte, il la ferme, là, t'sais. Donc, ça crée le chaos, puis les gens, c'est comme ça brille, ça cristallise, là, toutes les gens, là, ils s'émiettent de tous les côtés, puis après ça, mais là, quand les gens sont en état de faiblesse, sont en possibilité décontrôler. Puis là, eux autres ne contrôlent pas l'individu, ils contrôlent une masse. Donc, le pourquoi qu'ils veulent qu'on rentre dans une pensée unitaire, dans une pensée Unique. collective comme ça, c'est plus facile à contrôler pour eux autres. Parce que les bébites comme nous autres, là, impossible qu'ils nous contrôlent. Là, t'sais. Oui, on fait partie, là. Oui, on va mettre le masque. Oui, on va le faire. T'sais, je veux dire, on a de l'intelligence, à moins que je veux créer le chaos. Puis je veux dire, il y a une intelligence à quelque part dans une rebellion, mais jamais, jamais, David, ça va venir nous polluer la tête. Eux autres, ils envoient un courant là, de pensée. Là. Puis tant aussi longtemps qu'il y a des chaudières qui sont capables de ramasser le courant, là, leur plan fonctionne. Là, C'est mais ça, puis là, ils on a d'autres. continuent, puis ils ajoutent d'autres mesures. T'sais, ils vont par gradation, puis c'est insidieux. T'sais, ça commence le port du masque, ça commence le 2 mètres, ensuite c'est le confinement, puis la prédiction que je ferais, ben ça va être le confinement là, peut-être là, de 20 h à 18 h, ensuite le confinement à la fin de semaine, ensuite l'obligation de se faire vacciner, ensuite il va y avoir ci, il va y avoir, t'sais, ça n'arrête plus les petites mesures. Je ne tombe pas là-dedans, par exemple, David. Comme l'obligation de vacciner, ça, c'est comme entretenir une peur qui n'est pas arrivée encore, OK? Donc, Oui, je suis d'accord avec toi, il faut que je fasse attention, mais tout me semble à dire qu'on s'en va vers ça, de ce que je suis sur Internet comme information. J'espère me tromper, là. Ah, c'est ça. Mais je disais, encore là, si tu veux, si on demeure intelligent, on va attendre que les choses se passent et non pas Oui, paniquer avant, là, tu sais. tu as Puis raison. d'un autre, tu sais, il y a une autre chose, tout est énergie, David, OK? Tout est énergie. Fait qu'il faut juste imaginer en image, là, eux autres, quand ils parlent, là, ça dégage des ondes, là, puis les ondes, là, ils vont venir s'habiter dans la tête des gens. OK, ça pogne, ça pogne, ça pogne. Mais tu sais, mettons une onde, là, qui est envoyée, mais qui accroche pas nulle part. Voyons donc, qu'est-ce qui se passe, là, t'sais? T'sais, je veux dire, le taux vibratoire d'une personne, ça change, ça, c'est... être au-dessus du taux vibratoire, parce que tout ça, là, tout ce qui nous envoie, là, il y a un taux vibratoire très bas. Mais Exact. nous autres, vraiment dans le présent, puis dans notre identité, dans nos prises de décision, ça fait augmenter notre taux vibratoire. Avoir un esprit critique et développer la colère et non la rage, parce que eux autres, si on est enragé, là, c'est le party de Parc Belmont, et c'est ça qu'ils veulent. Ben oui, Et ben parce c'est que ça, ils veulent provoquer les gens pour qu'ils fassent du saccage, pour comme ça justifier des mesures encore plus autoritaires, encore plus restreignantes. c'est ça, mais regarde, encore là, tu sais, là, il y en a un qui va commencer à casser une vitrine, tout le monde va suivre, là, ça va défouler des affaires, tu sais. Mais Exactement, mais tu sais, c'est comme qu'est-ce qui s'est passé le 6 janvier, là, où, ce que certains, les médias officiels disent, il y a eu une insurrection qui a eu cours, dans le fond, à Washington, là, par rapport à Donald Trump, là, qui aurait dit aux gens au Capitole, là, de marcher sur le Capitole, là, mais tu sais, les médias l'accusent que c'est lui qui a encouragé les gens à casser puis saccager, alors qu'il n'a pas fait ça pantoute, là. Probablement que ces rangs ont été infiltrés par des gens pour discréditer tout le mouvement pro-Trump aux États-Unis. Donc, il y a probablement des agents infiltrateurs, des antifascistes américains, des gens plus de gauche, qui ont été dans les rangs pour tout tourner en dérision le mouvement des gens qui entourent Donald Trump et ses supporters. Encore là, David, tu sais, je veux dire, c'est les lois d'impression. Les gens, là, ils deviennent complètement passifs. Tu sais. Quand tu écoutais ça à TVA, ça avait l'air vraiment, là, les anti-Trump, là, ils saccagent tout, puis tout ce que tu veux. Ben, en fait, Mais bizarrement. c'est ça, les pro-Trump, là, en réalité, ils nous présentent ça comme si les supporters de Trump qui ont fait ça, mais alors que moi, j'ai l'impression qu'ils ont été infiltrés pour discréditer Donald Trump, là, comme ils le font, hein. Depuis que Trump a Ben, été élu, ils ont tout le temps parlé en mal de lui, que ce soit TVA, Radio-Canada, hein. C'est voulu, ça veut qu'on pense de même. De toute façon, le marketing a toujours été ainsi, là. Ils veulent qu'on pense comme ça. Ils veulent que, tu sais, T'sais, puis c'est la répétition qui fait qu'on va finir par penser comme ça. Si t'as pas d'identité, là, tu vas te faire absorber par ça, tu vas te faire magnétiser par un paquet de Ben choses. exactement, ben le ministre de la propagande d'Adolf Hitler, Joseph Goebbels, racontait que si tu dis un mensonge suffisamment gros puis tu le répètes plusieurs fois, avec le temps, ça devient une vérité. Effectivement, là, J'ai tu sais. l'impression qu'ils sont en train de faire ça là, avec Donald Trump. À force de dire qu'il est mauvais, ben les gens finissent par le croire, tu sais. Mais écoute, Trump est encore une polarité de Biden là-dedans. Là. Tu sais, si on regarde au niveau d'énergie, là, tu sais, c'est tu te voulu comment ça se passe complètement, là, tu sais. Tu sais, là, c'est comme là, on voit un gros cinéma, puis là, on sort le popcorn, puis on regarde, là, on regarde qu'est-ce qui se passe. Là. Ouais. Il y a les bons et les méchants, mais ça doit être. Puis encore là, c'est polarisé, là, tu sais. Trump, c'est le méchant, puis là. Mais la réalité est où dans tout ça, là, tu sais? Il se passe quelque chose, là, puis regarde comment ça se passe, là, les élections américaines, avec tout ce qui est COVID, puis tout ça. Il y a un lien à quelque part là-dedans, là, tu sais. Encore là, c'est pas eux autres qui parlent. C'est pas eux autres qui parlent. Ben c'est ça, ça manipulé malgré eux, les politiciens comme les citoyens qui vont voter. Et puis, c'est sûr que par rapport à la situation, il y a des trucs particuliers qui se sont passés, hein. Tu sais, un mois avant les élections, au mois de novembre, coup de théâtre, Donald Trump attrape le coronavirus mystérieusement. Il y a le remède miracle, la compagnie Regeneron. Puis, il fait même pas la période de quarantaine de 2 semaines. Non, non, quelques jours après, il dit, j'ai pris ça, puis c'est comme j'aurais rajeuni de 20 ans, puis il reprend avec une certaine vitalité. Fait que là, il dit aux gens, ben, ils vont rendre ça disponible aux citoyens américains, l'élixir de jouvence, la compagnie de Regeneron pour guérir du coronavirus. Puis naturellement, les semaines ont passé. Puis, en tout cas, j'en ai pas entendu parler là, dans les médias. Écoute, c'est une grosse pièce de Ben théâtre. oui. Puis comme je te dis, là, il y a une grosse division dans tout. Dans tout, là, il y a une grosse division dans le négatif, positif, Exactement. quand. Ben, on l'a vu aux États-Unis. Tu sais, les élections, c'était 49 points quelque de chaque côté, là. Tu sais, le peuple américain, en tout cas sur le plan historique, a été, des informations que je dispose, jamais été aussi divisé que ça, là, tu sais. Mais quand tu regardes ça, là, tu sais, Julian Assange, WikiLeaks, il a dit, c'est les médias qui ont créé la guerre, là, tu sais, là, avec l'histoire de toutes les guerres. Puis, c'est notre seule source d'information, c'est au niveau des médias, d'attitude, là. Tu sais, là, on va sur le terrain, on a-tu été en Corée du Nord voir comment ça se passait là-dedans? Non. On a juste vu des images. Puis là, ça veut qu'on pense comme ça, David. Ça, Exactement. là. Je dis, les médias, ils sont complètement contrôlés pour nous faire penser d'une certaine façon. En sachant que c'est pas eux autres qui pensent, ça va très bien dans le game, ça va très bien dans le game. Fait que les événements qui se passent présentement, là, tu Oui. sais, il va falloir qu'il y ait un pied à terre qui soit, il y a une colère qu'il faut qu'il soit développé. Ils sont pas, tu sais, puis c'est pas personne qui va inciter quelqu'un à se mettre en colère parce que, de toute façon, déjà, les gens ont de la misère à faire la différence entre la rage puis la colère. La rage, là, c'est rien qu'un spread, là, émotionnel puis d'attitude, là. C'est sûr qu'ils vont tout aller casser. Puis tout ça, la colère, ça met de l'ordre. Puis ça met tellement de l'ordre, c'est électrique. C'est ça que ça veut au niveau présentement des forces. Quand tu es électrique, tu as une identité, tu as une capacité de prendre une prise de décision. Tu as peur? OK, regarde, là, on va aller voir dans quoi tu as peur, là. Fait que il y a quelque chose à développer là-dedans. C'est Exact. soit que tu es victime des événements ou ben non, il y a une décision qui se prend, bâtite, là. Là, on n'a pas le choix. On est rendu là. Il n'y a plus de temps, David. Il C'est n'y a plus de ça, temps. on est au pied du mur collectivement. Puis s'il y a des gens qui se décident pas, ben il y a un adage qui dit décide ou décède, parce qu'à un moment donné, t'as des gens qui malheureusement, s'ils se prennent pas en main présentement. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une certaine partie de la population, en tout cas, qui vont sombrer dans des états de dépression, puis d'anxiété, puis de problèmes psychologiques assez lourds, là. Mais c'est ce qui va se passer, là. Ça va faire partie des conséquences. Mais encore là, tu sais, il y en a qui s'acharnent à faire ouvrir les yeux de l'autre, là. Les pop-corn, là, quand tu les fais cuire dans le poêle, là, ils pètent pas tout en même temps, hein. Fait que tu peux pas forcer quelqu'un à ouvrir les yeux, là. Moi, quand je plante des graines, là, dans la terre, là, je fais beaucoup de pousses, là. Je peux pas les forcer. « Hey, pousse! Il n'y a personne qui peut Non, forcer non, c'est rien. chaque chose en son temps. C'est sûr qu'il y a des gens qui ont moins de sensibilité que d'autres, par exemple, par rapport à la domination. Fait qu'eux autres, il va falloir qu'il y ait beaucoup de domination puis d'abus d'autorité pour qu'ils commencent à se poser des questions parce qu'ils ont encore des buffers, ils ont encore des capacités à encaisser les abus d'autorité. Ouais. Mais écoute, ils sont rendus là. Ils sont rendus Exactement. là. C'est parce qu'il n'y a pas de mission à se faire là-dedans. Encore là, si on a la mission de dire, de réveiller les gens, là, on est dans la merde, excuse-moi, on est dans la 100% merde. d'accord avec toi. Puis moi, dans le fond, je fais des enregistrements sur Internet, mais je me donne pas un mandat spirituel d'éveiller les gens. Excellent, là. Exactement. Tu sais, je fais fondamentalement les enregistrements parce que, bon, ça me permet d'échanger avec des gens, ça me met dans une vibration que je trouve plus stimulante que d'écouter TVA ou Radio-Canada. Et c'est pour ça que je le fais. Ça me garde dans une, je trouve une plus belle énergie, puis dans la communication aussi. Mais moi, j'ai aucune intention de sauver le monde. Je veux m'occuper de moi, puis j'aime beaucoup le fait que depuis tantôt, tu nous ramènes au moment présent, puis je trouve ça très intelligent parce que moi-même, j'essaie de me remettre à l'ordre de. Parce que des fois, tu sais, bon, je vais parler beaucoup de l'avenir, puis tu sais, la menace qu'est la vaccination obligatoire, mais on peut surréfléchir là-dessus, puis gaspiller beaucoup d'énergie inutilement, en effet. Fait que c'est important de se ramener dans le moment présent, puis. Ce qui peut nous guetter par par rapport à la crise, parce qu'il y a toutes sortes de trucs qui sortent là, sur le Great Reset, la grande réinitialisation, le changement économique, de paradigme social et autres. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous propulser dans l'avant, puis ça peut être des voies de perdition, un peu comme si on consacrait beaucoup d'énergie à des prophéties qui ne se réalisent pas, tu sais. Mais écoute, parce que c'est la perte d'énergie, puis cette perte d'énergie-là est consommée du côté astral, là, tu sais, c'est ça que ça Exactement. veut. Hey, là, je veux dire, ça se nourrit en tabarnouche, l'autre bord, là. Hey, imagine, c'est le party pour eux autres, là, t'sais. Puis en plus, les gens, mais comme je te dis, là, leur passé, il est plus là. Ils sont plus capables de faire des choses, à moins qu'ils sont capables peut-être de laver leur plancher comme ils l'ont toujours fait. Mais je veux dire, t'sais, il n'y a plus de C'est sortie, il ça, n'y il a n'y a plus plus rien. de. Exactement, il n'y a plus de stabilité puis de référent culturel. Tu sais, si tu regardes les fêtes, sont effacées. Le Noël, jour de l'an, on ne peut plus se réunir comme avant. Fait que ces paramètres-là ont disparu. Pâques, la célébration de Pâques au Québec était fêtée. L'année passée, on n'avait pas eu le droit de fêter Pâques. Donc, il y a plusieurs éléments qui étaient des espèces de bouées d'identitaires liées au passé qui sont éclatés. Aller à la messe, ben là, aujourd'hui, c'est rendu compliqué. Je pense qu'on ne peut plus, là. En tout cas, à un moment donné, c'était 25 personnes. À un moment donné, les églises sont fermées. À un moment donné, je ne sais plus moi-même, là, ça change tellement. Fait qu'il y a beaucoup de paramètres identitaires, que ce soit au niveau du peuple québécois qui était à l'origine très catholique. Tu sais, t'aurais dit, avant la Révolution tranquille au Québec, que vous ne pourriez pas fêter Noël, ça aurait été impensable. Dans ce cas-là, ça a été accepté. Il y a eu l'acceptabilité sociale pendant les derniers jours où ce que les gens n'ont pas fêté Noël. Puis comme ils étaient morts de peur du COVID dans certains cas, ben ils ont accepté ça, tu sais. Mais il y a beaucoup de gens parce qu'ils sont plus capables de faire renaître ou revivre des souvenirs. Ils ont l'impression de mourir, tu sais, par en dedans. Exactement. T'sais, je veux dire, encore là, c'est tout ce qui est. Ils ont tout retiré, tout ce qui était mémoriel. T'sais, fait que les gens, puis c'est là que tu peux t'apercevoir. Encore là, je te disais, c'est toi que tu es victime ou ben non, tu agis sur qu'est-ce qui se passe. Hein? OK, Noël n'était plus là. Il sera plus, ça sera plus comme les anciens Noël. C'est du passé. Fait que si le passé n'est pas là, viens dans le présent. Mais là, les gens, c'est qu'ils sont pas, ils peuvent plus aller dans le passé. Ils se projettent dans un futur, mais nourris par la peur. Fait que ramène-toi au présent et reste là. T'sais, je veux dire, bon, je ne dis pas quoi faire à personne, là, t'sais, mais je veux dire, si tu veux aller dans des zones où tu perds de l'énergie, où tu entretiens la rage, le victime, la peur, c'est complètement inutile. À quoi ça sert ces choses-là? Mis à part le monde astral. Les adeptes de l'astral, ils savent très bien qui pogne puis qui pogne pas là-dedans, là, t'sais, comprends-tu, là? Fait qu'il y Exact. a un plan qui est exécuté par tout ce qui est le haut astral. La régence planétaire va suivre après ça. Là, ce qui serait génial, là, moi y aller dans le futur, là, ce qui serait génial, c'est qu'un vaisseau extraterrestre apparaît quelque part. Ah, là, il n'y aurait plus de COVID. Attends. Et pas drôle. Ben oui, ben Mais. ça détournerait l'attention par rapport à d'autres choses, tu sais. Ben là, c'est parce que ce ne sera pas prévu dans leur face à eux autres, là, des dirigeants, là, là, dans tout ça, là, comme je te dis, David, il y a toujours un dirigeant là-dedans, puis les autres, c'est des exécutants. C'est qu'à savoir, puis lui, c'est pas lui qui pense. Fait que, Là, tu sais, on veut savoir c'est vraiment c'est quoi les plans astro là, qui descendent, là, puis que c'est vraiment du concret. Là. Alors, regarde ce qu'on vit aujourd'hui. OK? Puis là, on est juste des canaux de tout ça, là, d'attitude, là. Il y a juste des canaux astral qui se passent, là, tu sais. Fait que, tu sais, tu vas juste à la pharmacie, là, les gens, là, il faut pas tes colles, là, tu sais, puis tu t'en vas au Costco, là, tout le monde est distancé, tu arrives à la caisse, t'es collé un arrière de l'autre, tu sais. C'est une vraie joke, là. C'est une vraie joke. Tu sais, je veux dire, plus c'est même plus sanitaire, comme je te disais, c'est rendu politique. Puis il y a un plan qui arrive, qui se dessine, on le voit très bien, là. Mais là, parce qu'on ne pouvait pas faire ça du jour au lendemain, sinon c'est l'armée qui aurait fallu qu'il rentre. Fait que là, ça va faire un an, là, au mois de mars, là. Check bien ça. Là, il tire, il crée de l'espoir dans les gens. Pouf, il coupe ça. Ça crée, OK, on va permettre ça. Pouf, il arrive. Fait que ça détruit complètement l'esprit psychologique des gens. Les gens, ils voyaient pas ça. Là, ils sont en morceaux. Fait que là, ils sont obligés d'écouter, là. Tu sais, c'est comme c'est rendu qu'on est en otage de l'esprit gouvernemental. Il y a bien du monde qui a le syndrome de Stockholm. Oui, Ils tombent en s'identifier à amour avec. l'agresseur. Exact. T'sais, ça va tomber en amour avec les dirigeants, ceux qui Ben contrôlent. oui, ben C'est au comme. début, tu te rappelles, au début de la crise, docteur Horacio Arruda, il y a des gens qui faisaient des t-shirts en hommage à Horacio Arruda, puis tu sais, Ah, mon ils mettaient sur un Dieu. Les pauvres piédestal. petits. Comment? Oh, les pauvres petits, là, ils travaillent fort, puis les gouvernements, ils sont tous là, puis ça travaille tout fort. Ben oui, c'est extraordinaire. C'est sûr que moi, je dis qu'il y a des gens dans le gouvernement qui, tu sais, qui sont sincères, qui veulent sincèrement aider les autres, mais je rappelle souvent, dans le cadre de mes entretiens, que l'enfer peut être pavé de bonnes intentions. Donc, la personne, spirituellement, peut vouloir aider, sauf que malgré elle, elle domine, puis elle ne se rend pas compte qu'elle est chevauchée par l'astral, tu sais. Mais c'est ça, mais c'est parce qu'il y a peu de gens qui sont au courant de ce langage-là, de qu'est-ce que ça produit, comment c'est, comment ça marche, tout ça, là. Exact. Il y en a, mais c'est peu, là, t'sais, au niveau de la France, là, c'est quand même assez populaire, puis tout ça, au Québec aussi. Oui. Mais imagine le reste de la population, là, eux autres, là, c'est des gros jeux sur deux pattes, puis ça ramasse tout, là. Puis, tu sais, c'est dans la résistance qu'on souffle le plus, tout le temps, là. Tu sais, là, je veux dire, quand tu essaies d'arrêter un grand mouvement d'eau, tu essaies de tenir ça fait mal, là, tu sais. Mais tu sais, Bernard, il disait tout le temps, laissez passer les balles, laissez passer, attachez-vous pas à vos pensées. Fait que ça, là, tu sais, tu laisses passer, l'énergie, elle coule comme l'eau, là, tu sais. Ben, sinon, là, comment ça marche demain? Je veux pas, tu sais, je veux dire, si tu es en opposition avec ça, tu embarques dans le même bain que ceux qui... Il n'y a pas de souci. T'embarques dans le même bain que ceux qui sont pour tout ça, là. Ça fait que c'est encore là, c'est des polarités tout le temps, là, tu sais. Je veux Exactement. juste... on est carrément en grosse polarité. Là, il va y avoir des camps, là, tu sais. Puis Bernard en a parlé, même Daniel Ménard, là, il va y avoir deux mondes. Lui, Bernard, il parlait de ceux qui sont l'Himalayen puis ceux de l'Atlantique, là, tu sais. Oui. Maintenant, je me souviens plus de quelle sorte de gens, mais c'est bien clair. Et c'est très clair que là, ça se divise. Là. T'sais, là, même dans la famille, es-tu pour Trump ou Biden? Hein? Là, on ne te demande plus ton signe astrologique, es-tu Trump ou Biden? Non, exactement. Ça polarise les discussions où, tu sais, les gens qui s'identifient comme étant, voyons, pour les mesures sanitaires, puis contre, tu sais, pro-masque ou anti-masque, ou, tu sais, ben, je dis pas anti-masque, mais pour la liberté de choix, devrais-je dire, là. Mais, tu sais, si on prend par rapport à l'été passé, la question du port du masque obligatoire a divisé la population, puis les mesures aussi imposées. Puis moi, je sens une grande polarisation, qui se fait de plus en plus dans la société, là, en plus de la politique américaine, là, naturellement. Regarde, je veux juste te donner un exemple personnel. C'est quand je voyais les gens qui se promenaient tout seuls dans leur auto avec un masque. Tu le regardes, ben tu viens enragé tout seul. Ça sert à qui, ça? T'sais, devenir enragé, ça change rien. C'est un coup d'épée dans l'eau, là. Puis, où on se rend malade, on se rend... Ménard, il disait tout le temps là, tu sais, je veux dire, tu sais, t'as le panneau électrique qui envoie le courant électrique, ça arrête dans la lumière, elle allume. Mais quand on a une rage ou un courant comme ça, Puis il atterrit dans le vide. C'est juste nous autres qui le ramènent. C'est là qu'on tombe malade, là, tu sais, psychiquement ou whatever, là. Fait qu'à un moment donné, c'est important d'être assez intelligent pour voir ce qui se passe dans nos têtes, puis d'arrêter ça là à la source. Ça Exact. va être bien important de se protéger à ce niveau-là dans le futur. Je dirais même pas dans le futur, là, drette là, là. OK? Puis, mais là, les gens, tu sais, à un moment donné, regarde, j'en ai une là, qui m'a approchée hier, là, je la nommerai pas. Elle est en grosse crise face à tout ce qui se passe là, au niveau sanitaire avec la crise de pandémie. Elle a peur, elle a peur. Là, elle me demande avec mes consultations si je suis capable d'y enlever de plus vivre sa programmation et de plus se réincarner. Regarde jusqu'à où ça va là. Ah oui, j'ai le pouvoir de faire ça, moi, là, je garde la seule affaire que j'ai répondu, je dis, ça, là, c'est être complètement dans l'illusion, tu essaies juste de te mettre dans une place où tu n'as pas mal, tu es complètement dans l'illusion, c'est sûr qu'elle ne revient pas, là, tu sais, je promets pas rien, moi, là, tu sais, à ces gens-là, là, faut être réaliste, là, dans la vie, là, tu sais, Non, non, mais c'est ça. c'est pas toi qui décides à leur place s'ils se réincarnent ou pas. C'est à eux autres de se définir vibratoirement puis se mettre en opposition contre les plans pour déterminer ben, en venir éventuellement les égaliser puis déterminer ce qu'ils vont faire pour être libres de leur programmation, tu sais. Mais écoute, on n'est pas intelligent tout seul, David. Surtout dans qu'est-ce qui se passe. On a besoin de parler pour comprendre. On a Oui. besoin d'échanger. Ça, c'est la première chose, le premier remède, je te dirais, là, c'est d'échanger. Puis, à un moment donné, il va y avoir des réponses qui va sortir de là. Tu sais, hier, comme dans le groupe, là, c'est hallucinant, là, la drive, l'énergie qui se passe là. Puis là, tu sais, ben, on pose des questions, on parle, on pose des questions. Puis, oh, hey, je viens d'avoir ma réponse. Yes! Tu sais, là, elle a eu sa réponse qui venait d'elle. Bien, Tu sais, c'est sûr que par rapport au groupe, dans le fond, c'est sûr que les gens pourront, comme on le disait tantôt, là, te contacter, entre autres par Facebook ou par courriel, s'ils veulent joindre au groupe de discussion en lien avec la conscience supramentale, parce que je pense que vous faites des rencontres, c'est pas mal à tous les mardis. Oui, tous les mardis à 19 h. Puis, écoute, Chose importante à préciser, c'est Heure du Québec. ben ceux qui veulent nous rejoindre au niveau, oui, c'est l'heure du Bien, Québec, c'est important de le 19 h. préciser parce que les Européens qui nous écoutent, que ce soit en France ou en Belgique, ils ont 6 heures de décalage. Fait que là, ça va être aux petites heures du matin pour eux autres s'ils ils veulent C'est ça. Mais participer. s'il y a une demande au niveau Européens. européen, puis tout ça, il y a toujours une façon de faire. Mais là, l'important l'intelligence du moment, c'est de communiquer et de partager. OK? Oui, il y a beaucoup de monde qui ont des peurs. Puis, en fait, s'il nous atteint pas, nous autres, ça va atteindre nos membres de la famille, puis tout Exact. ça, là. L'astral, il est bien fait. C'est bien fait. Ça nous connaît. Mais regarde, ce qu'il y a en arrière de l'astral, c'est le qui? C'est l'agisseur de pensée, là. Fait qu'eux autres, là, tu sais, eux autres, qu'on soit dans la merde, ils s'en foutent. Eux Ben, autres, ils regardent si on répond ou on répond pas. That's it. c'est ça, ils nous étudient comme des rats de laboratoire, puis ils vont nous manipuler pour nous amener à rehausser notre taux vibratoire, tu sais, qu'on monte en intelligence. Bien, toujours une question de taux vibratoire. Eux autres, qu'on soit malade, qu'on soit ici, là, c'est pas ça que ça check. Ça check juste le taux vibratoire. T'sais, un taux vibratoire, là, ça change bien des affaires. Hein. Une roche qui rentre dans la rivière, là, ça crée des petites vagues, là, mais le Oui. taux vibratoire, ça les met autant, là, t'sais, comme un champ électrique. Là. On est des batteries, là, on est des gens vibratoires. On a un corps, mais tout le reste, là, c'est toute vibration, là, t'sais. Puis, comme je te dis, excuse-moi, c'est dans les moments qu'on vit aujourd'hui. Si t'es pas victime, il y a quelque chose à faire, puis tout est là. Tout est là. Fait que je peux pas dire que tu choisis parce que c'est voulu, là, t'sais, je veux dire, notre plan, notre planification astrologique, notre carte astrologique, là, c'est la map quest de notre vie, là, t'sais. Ça, Exactement. En c'est la. parlant d'astrologie, je voulais quand même pas passer sous le silence que Daniel Ménard, quand il nous avait annoncé il y a plusieurs années, là, checkez bien l'année 2020. 2020, là, puis il avait marqué sur son site Internet, Ça se parlait pas sur Internet, là, tu sais. C'était lui qui avait amené ça par rapport à, dans le fond, Pluton qui entrait en Capricorne, là. C'est vrai que l'année 2020 a brassé, là, avec quelques jours de recul, là, depuis qu'elle est passée. On pourra dire que Daniel Ménard s'est pas trompé dessus. Je pense qu'il parlait du 10 janvier où il Oui, parlait parce qu'il y avait une lunaison, si je ne m'abuse, le 10 janvier 2020. Puis on peut dire que c'est à peu près cette période-là que, par rapport au coronavirus, il y a eu l'ébranlement. Puis comme, dans le fond, c'était Pluton en Capricorne, Pluton qui est la planète qui détruit les structures, ben toutes les structures sociales ont été chamboulées. Économique, médical, puis aussi par rapport à la notion du Capricorne, ben c'est tout le volet, dans le fond, tu sais, tous les acquis, tu sais, tout ce qui était des sécurités, fonds de pension, etc., tu sais, tout là avec la crise financière en lien avec ça, puis l'insécurité, l'instabilité mondiale, ben on ne sait plus qu'est-ce que va valoir les REER, puis tout ça, là, les placements, là. Écoute, Pluton, c'est comme un feu de forêt, ça l'arrache tout. Ça l'arrache tout. OK? Puis au niveau des structures, ça, Daniel en parlait souvent de ça. Au niveau des structures, tout ce qu'on connaît aujourd'hui, ça sera plus là. C'est en train de se faire, là. Même les universités, les écoles, il n'y a plus rien de ça qui va exister, là. C'est en train de s'arracher par la racine, tout ça, là. Bien, il y a une Fait que, tu sais, mutation qui se fait, tu sais, on voit l'apparition de la téléformation, télétravail, fait que le concept que chacun est chez soi puis qui étudie avec l'ordinateur devant lui sur Zoom ou des logiciels de conversation, c'est ça qui s'installe plutôt que le présentiel. oui, c'est ça. Mais toutes les anciennes structures vont disparaître. Puis tu sais, comme on parlait hier, là, y a-tu de quoi, là? Quand tu regardes l'histoire, là, tu sais, je veux dire, là, c'est comme on est en mesure de guerre. Exactement. Est en temps de guerre. Mais y a-tu quelque chose qui a changé dans l'histoire, là? C'est juste du repeat business, là, sauf les formes qui ont changé d'attitude, là. Tu sais, là, je disais, les buildings, les restaurants, là, ils sont pas détruits. Ils meurent par en dedans, par la source, tu sais. Mais je veux dire, on est en mesure de guerre pareil. Les principes sont pareils. Il n'y a rien de nouveau. On fait juste répéter de qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire. Mais pas nous autres, là. Nous autres, on fait juste subir. Ben, c'est-à-dire qu'il y a eu des périodes justement là, de guerre ou de tension. C'est sûr qu'au Moyen Âge, il y a eu la peste noire. Ensuite, un peu plus proche de nous, il y a eu la grippe espagnole là, au début des années 1900. Puis là, on a la crise du coronavirus. Mais dans le fond, moi, j'ai l'impression, oui. Le principe est pareil. Il y a une crise, il y a un virus, il y a une guerre, il y a whatever, là, tu sais, je veux dire, puis là, il y a un héros qui va sortir d'un bar, là, il y a l'antéchrist qui va ressortir. Et il y a de quoi de nouveau qui est sorti? Non. La seule chose qui est arrivée de nouveau, c'est l'ordinateur. C'est ce qui a fait accélérer énormément au niveau de toutes les technologies, là, ce qui fait qu'on se parle, whatever. Mais Ouais. je veux dire, à part là, dans le principe de l'histoire, t'écoutes, là, je ne sais pas si vous avez écouté l'Empire romain, là, la fameuse série qu'il y a eu sur Netflix, là, bien intéressant. Bernard, il disait toujours, c'est important de connaître l'histoire pour savoir ce qui se passe. C'est juste du repeat business aujourd'hui, là, le Sénat, tout ce que tu veux, là. T'sais, Mais la là, différence qu'on a aujourd'hui, qu'il n'y avait pas dans ce temps-là, c'est qu'on a accès à l'instruction supramentale avec, il y a eu Bernard de Montréal, Daniel Ménard que tu as connu, il y en a eu d'autres aussi, Marc de la Salle. Mais je veux dire, cette instruction-là est accessible, puis grâce aux nouvelles technologies, les gens chez eux, ils vont sur YouTube, ils vont sur Facebook, ils ont accès à l'instruction. Tandis qu'avant, l'accès au grand public, c'était pas possible, c'était même pas descendu avant 1969. non, écoute, ben, en 69, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la première fusée qui est partie de la Terre, qui a transpercé l'atmosphère terrestre. Puis en même temps, bizarrement, il y a eu une descente d'énergie. Puis là, ça a atterri dans Bernard. Oui, ben c'est ça. En 1969, c'est le premier homme qui marche sur la Lune, puis c'est le premier homme qui, malgré lui, se libère de l'astral en visant la fusion avec l'esprit. Parce que l'astral est Ouais. associé à l'énergie lunaire. Ben, il y a un lien, là. Il y a un lien par rapport à ça, mais l'énergie lunaire, c'est toute une énergie mémorielle Ah, c'est qui est là. intéressant parce que pendant que tu parles, ça me dit l'homme qui marche sur la Lune, ben c'est comme l'homme qui marche sur l'astral, il triomphe de l'astral, il est au-dessus de l'astral, puis Bernard montant en puissance au-dessus de Intéressant. l'astral pour pouvoir canaliser l'instruction supramentale. Ouais, c'est intéressant, là, mais lui, ça a gelé, là, ben, là, tout ça, là, t'sais. Nous autres, là, ça y va graduellement quand même, là, t'sais. Les fusions astrales, là, t'sais. Mais encore là, les gens vont écouter beaucoup, beaucoup d'instructions de Bernard, OK? Ça va déclencher des choses. Bernard, c'est un déclencheur ultime de beaucoup de choses, mais après ça, c'est l'important, c'est de l'appliquer dans son quotidien, tout Exact. ça, là. Je veux dire, mais là, il y a une grande phase spirituelle la phase spirituelle est très, très, très, c'est un passage obligé, on est obligé de passer par là, Ben, mais ça dépend des gens. Il y en a qui ont passé par là. Il y en a d'autres, au contraire, sont matérialistes, puis ils vont toucher à l'instruction supramentale, puis ils vont toucher un peu plus à de l'esprit, mais sans tomber dans le volet naïf parce qu'ils étaient déjà sceptiques à la base. bon, mais le spirituel, c'est pas nécessairement que c'est des gens. Il y a des gens bien spirituels qui sont très matérialistes aussi, là. C'est une vibration, la spiritualité, là. T'sais. On y va pas dans la forme, là. On y va juste dans un champ vibratoire, là. T'sais. Puis c'est quelque chose qui est très dilaté. Il y a beaucoup de philosophie qui se dégage de ça. Ah, j'ai entendu ci, j'ai entendu ça, là. C'est juste des reportages supramentaux, le trois quarts du temps des gens, ce qu'on entend, là. T'sais, là, je veux dire, c'est quand tu écoutes une personne, tu écoutes la vibration que la personne dégage. Pourquoi, tu sais, je veux dire, une interprétation, mais vraiment d'écouter vibratoirement. Il y a une autre façon d'écouter que la voix, là. Il y a de quoi en arrière de la voix, il y a de quoi en arrière de la pensée, il y a de quoi. Tu sais, là, c'est un champ vibratoire, tout ça, là, David, tu sais. Puis l'aspect spirituel, là, tu sais, je veux dire, ils sont rendus là, puis à un moment donné, ça va switcher ailleurs, la tête, là, tu sais. Mais présentement, le taux de spiritualité sur la planète est hallucinant. Même si tu regardes au niveau ce qui se passe, que ce soit spirituel, je sais pas moi, templier, pas des temples, des Les Templiers. yoga, compagnie, ou ben non, tu regardes au niveau ce qui se passe au niveau des États-Unis, God bless you, tu sais, là, même dans les élections, là, tu sais, Flynn et compagnie, God is there, God will help us, tu sais, puis whatever, là. Fait que la notion de tout ce qui est spiritualité, religion, c'est encore hyper, très, très, très fort. Puis si tu regardes le niveau de religion, de spiritualité, regarde ce qui se passe au niveau du coronavirus, qui est une guerre. Ça s'équivaut les deux en même temps, là, t'sais. Ça, c'est toute une question de loi d'énergie, tout le temps, tout le temps, tout le temps, là. T'sais, là, mais les deux sont rendus à côté, là, comme faut, je pense, à peu près égal. Il y a autant de spiritualité que de coronavirus, puis de plein qui essaient de nous imposer là, un paquet d'affaires, là. Fait qu'à quelque part, t'sais, je veux dire, ça, c'est des polarités. La réalité, elle va être où? Elle est où, la réalité? Elle est dans l'individu. Elle est dans Exact. l'individu individuel. T'sais, Oui, là, il faut ça, que c'est c'est ça, l'ange. puis c'est ça le défi, c'est de supporter soi-même sa conscience sans le support du collectif, parce que là, on est entouré de plein de gens qui ont peur du coronavirus. Fait que là, faut pas se laisser contaminer par la peur comme des éponges qui vont absorber toute cette énergie-là, tu sais. Ah, mais si tout est énergie, ils n'ont pas besoin de parler, on la ressent, là, tu sais, le voisin, moi, là, je suis en appartement, là, tu penses-tu que je ressens pas, là, tu sais? Et ça, c'est des choses qu'on se dit, comment ça, je suis nerveux des fois, là, tu sais? Pas nous autres qui le disent, c'est l'autre. C'est ça, on peut être imprégné des vibrations des autres, puis ce qui devient permissieux, c'est que si tu vas, par exemple, au supermarché, puis là, tu vois tout le monde s'épie au cas où qui est à moins de 2 mètres, au cas où qu'il y a un postillon ou je sais pas trop quoi, tu sais, même si c'est le masque. Fait que il y a un climat de tension sociale qui est là. Moi, j'ai l'impression que collectivement, c'est un traumatisme qu'on vit, comme un enfant qui est victime d'une agression sexuelle, une agression physique. Pour moi, c'était plus au niveau psychologique. Mais ce qu'on vit collectivement en lien avec la crise, que ce soit au Québec, en France, en Belgique, parce que ça dure depuis plusieurs mois, ben c'est un traumatisme important qu'on est en train de créer, d'implanter sur le plan psychique. Écoute, c'est encore là, comme je reviens tout le temps, là, à un moment donné, il y a une décision à prendre dans ça. C'est soit tu es victime ou tu embarques dans la vague, that's it, là. C'est plate, là, tu sais, c'est une autre polarité, cette affaire-là, là. Mais à quelque part, il y a une décision qui va falloir être prise au niveau individu. Parce que même à l'intérieur des familles, des amis, là, ça l'éclate de partout, là. Moi, je travaille dans le notariat, là. Tu sais quoi, les couples dans le confinement, qu'est-ce que ça a donné? Et, okay, tout le monde se sépare. Ben, au début de l'automne, j'avais vu des statistiques justement qui disaient que dans le confinement printemps, il y avait une augmentation là, des gens justement qui consultent là, parce que les couples ont des problèmes. C'est sûr qu'il y en a qui, avant le confinement, ils ne savaient pas vivre ensemble. Puis là, ils se ramassent dans une situation où ce qu'ils se ramassent tous les deux pris chez eux ensemble, ben, ils ne sont pas habitués à ça. Fait que ça permet de mettre en lumière le manque de cohésion qui peut-être existait déjà au préalable, là, tu sais. Mais c'est parce que les gens, tu sais, aller au restaurant, au cinéma, ça donnait une occasion de diluer puis de décontracter, là, tu sais. Ça donnait, tu sais, ça allait pas, OK, on va aller diluer, là, qu'est-ce qui se passe, le problème, là, tu sais. Mais là, c'est de la grosse, comme je te dis, comme on dit au début, c'est de la grande, grande, grande contraction. Même en été, il y a une contraction, là, tu sais. Fait Oui, c'est vrai. que. L'été passé, il y a eu un petit relâchement au niveau du confinement, puis des mesures, mais quand même, il y avait une tension sociale qui est là. Puis si la tension dure trop longtemps, ben c'est sûr qu'à un moment donné, les gens vont faire une dé pression parce qu'ils sont plus capables de contenir l'énergie, puis et dans certains cas vont sombrer, ils vont craquer, tu sais, ils seront pas flexibles comme le roseau, ils vont casser. Ben, ceux qui sont rigides cassent. Exactement. Fait que l'histoire, en fait, en réalité, ça revient au principe qu'il faut pas être rigide, sous des formes, qui, nous gardent dans des polarités. Ben, encore là, tu sais, il ne faut pas être rigide. Des fois, on l'est, puis là, ça prend des événements pour savoir qu'on l'est. Hein? Fait que c'est là qu'il faut Ouais. agir. Sinon, ça devient une attitude de dire, OK, je ne serai pas rigide, puis tout ça, là. C'est plein de petites choses subtiles qui est là-dedans, Non, dans c'est la ça, faut vie. pas être dans l'aptitude psychologique parce que quelqu'un pourrait dire, ah, il faut pas que je diffracte l'énergie là. Puis là, faut que j'utilise pour mon rapport de force, par rapport à l'esprit. Mais si c'est une attitude, psychologique de parler de même, ben ça se passera pas comme ça. La personne ne pourra pas, vivre ça là, tu sais. Je disais, il y a une densification de tout, tout, tout, tout, là, tu sais, puis il va y avoir un écrasement, puis une contraction extrême. Qu'est-ce qui va en sortir de ça, on ne le sait pas. Mais encore là, ça va, ce qui ressort le plus des événements présentement, c'est la question d'identité. Les gens, ils n'auront pas le choix de se retrouver dans eux, puis d'aller voir qu'est-ce qui se passe, parce que comme je dis, il n'y a plus de temps. C'est là qu'il faut développer. Puis il y a une accélération là, des événements. Là. Je ne sais pas comment tu appelles ça. Tu sais, les gens qui calculent, là, il y a une échelle, là, les événements Oui, vont plus vite, ce que plus ça me vite. dit intérieurement, c'est exponentiel. Voilà. Enfin, Une c'est que le temps. accélération exponentielle des événements, puis on voit qu'il y a une accélération exponentielle des mesures de confinement, ce qui fait que la personne a de la difficulté d'adaptation au préalable, puis il y a de plus en plus de chocs puis d'événements, ben à un moment donné, elle peut plus contenir ça là, à craque, là. Encore là, la contenance. Qu'est-ce que tu es capable de contenir? Il y a beaucoup de choses qui est là-dedans. Là. Es-tu capable de te contenir tout seul dans un événement? Ouais. Mais encore là, il y a toujours une solution. Il y en a des solutions. C'est sûr que ce n'est plus les solutions d'avant, Oui. mais les problèmes présentement, c'est vraiment être capable d'être en échange avec les gens. Puis surtout libérer les tensions qu'on a. Mais encore là, ça dépend à qui on parle. C'est important à qui tu parles. Parce que quand tu parles, tu te sens limité, tu as de la misère à parler à quelqu'un, là, ça va Exact. pas bien parce que l'autre, il est limite. Là, en énergie, il est limite. Tu sais, c'est le fun. Moi, je peux te parler de n'importe quoi. Toi, tu es ouvert, là, tu sais. On Et peut aller dans n'importe vice-versa, ouais. quoi, là. Mais il y en a qui sont jamais, mais on peut pas les blâmer. C'est fait de même. Ils sont programmés de même, tu sais. Mais il y en a, des fois, là, pouf, il y a quelque chose qui se passe, là, tu sais. Là, c'est dans la souffrance qu'on augmente la contenance. C'est ce que les gens, ils savent pas puis ils comprennent pas. C'est quand tu souffles, là, tu sais, comme ton ami qui est entraîneur puis il s'entraîne, ça fait mal, hein, muscler les Ben muscles, là, oui, mais parce le que muscle. ça entraîne des micro-déchirures, des filaments musculaires qui doivent se reconstruire plus fort. Fait que oui, il y a une souffrance. Oui, mais tu sais, c'est que grossir un muscle ou grossir la contenance, ça fait mal. Oui. Si on veut mettre ça en image, c'est la même chose, là, tu sais. Ça fait que là, c'est présentement, c'est vraiment de rester dans le présent. Je ne sais pas quoi faire, mais c'est demeurer dans le présent puis demeurer en communication. Il faut trouver un talking partner. Ça, je pense, là, la seule mission que vous avez dans la tête, là, si on peut dire le mot mission, trouvez-vous un talking partner. Ça va être la ressource pour se protéger, pour dealer, puis essayer d'avoir des réponses. Parce que là, présentement, les gens sont en faillite psychologique. Ils ont plus de questionnements que de réponses. Hein? C'est Exactement. ça. Puis là, nos gouvernements sont sur le bord de la faillite avec tout l'endettement, puis des mesures, puis des cadeaux là, de notre ami Justin Trudeau au Canada là, qui dirige. Puis là, il s'endette avec des milliards, puis là, ça finit plus. Puis là, on est sur le bord de la faillite, là, en plus de la faillite psychologique. Écoute, la faillite prend plusieurs formes. Tu sais, il y Oui. a des faillites opératoires psychologiques dans la forme. C'est ça, Écoute. mais c'est bien la faillite parce que ça mène un reset, donc ça mène une réinitialisation du système. Puis si c'est créatif, c'est vibratoire, ben la personne se redéfinit, là. Fait que tu sais, elle peut se redéfinir non pas pour être dans une prison psychologique ou sociale avec des dictatures technologiques, mais se redéfinir au niveau vibratoire pour un mode de vie plus sain, là. T'sais, tu regardes toujours l'intention en arrière, l'intention des impositions qui se passent présentement, c'est de détruire psychologiquement la masse. Et plus ta case, plus qu'elle est contrôlable. Fait que c'est ça qu'ils sont en train de Bien, faire dans le fond, au en niveau psychologique, voulant. t'sais, si on pense aux méthodes qui sont utilisées, par exemple, à Guantanamo, si tu veux casser un prisonnier, qu'est-ce que tu fais? Privation sensorielle. Puis qu'est-ce qu'on fait avec un confinement? Privation sensorielle. On demande à la personne de rester chez elle tout seule, éviter les contacts sociaux, puis tu l'isoles. Fait qu'à un moment donné, un plus un, ça fait deux, là, t'sais, je veux dire, c'est des techniques de privation qui amène l'individu à être fragilisé, puis là, tu peux le faire parler, puis là, il peut se soumettre à ton autorité, puis là, il va devenir docile, comme Geneviève Guilbeault les aime, là, tu sais, celle qui dirige la santé publique, a dit aux Québécois, soyez dociles. Fait que là, le message est sans équivoque, là, peuple à genoux, là, ouais. Le Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir ton je sais pas quoi, là, tu sais, qu'est-ce qu'il disait, là? Le Notre fait qu'un jour. Père qui es aux cieux, je ne sois pas digne de te recevoir. Dis seulement une parole et je serai guéri à nous pauvres pécheurs. Ben c'est ça, la religion catholique, là, peut-être les Européens vont trouver ça drôle aussi, là, mais ici, on est endoctriné en disant on est tout petit, puis là, il faut demander le salut de Dieu, le pardon, parce qu'on est indigne, on n'est pas capable, on est c'est ça. Regarde le principe de la religion étant la culpabilité. Oui. Tu as l'enfer, puis tu as les polarités, tu as le paradis, tu as l'enfer. Si tu fais pas ça, tu t'en vas en enfer. Fait que, tu sais, ils ont joué sur la peur encore, fait que la culpabilité. Regarde le Exactement. COVID, c'est la même Ben, affaire, c'est là. la religion Même... sanitaire, comme j'ai fait des enregistrements Ah, là-dessus, là. on vient d'inventer un mot, une religion Ben oui, sanitaire. ben c'est ça. Tu sais, c'est pas moi qui l'ai inventé, là, mais je vais donner le mérite à l'auteur et conférencier Jean Cazot. Il écrit un article, OK? Puis il a comparé tous les rituels associés au coronavirus puis la religion. Dans la religion catholique, quand les gens allaient à l'église, il fallait qu'ils se mettent de l'eau pure à l'entrée pour faire leur Ah, signe ben de oui. croix. Bon, mais quand tu entres dans un commerce, pour te purifier, eh bien, il faut que tu te laves les mains, OK? Ah, ouais, Ensuite, la religion avait un symbole qui était clair puis affiché, c'était la croix. Les gens se promenaient partout avec la croix. Le symbole de la crise du coronavirus, c'est le port du masque obligatoire. ah. Pas payé, ça? Exactement. Puis là, il passait tout en revue, dans le fond, les symboles, puis les tactiques liées à la religion, puis le coronavirus. Puis il y avait plusieurs rituels là, qui se faisaient là. Ben, il y a un rituel imposé, mais Exactement. c'est une imposition de pensée, une imposition de croire, tu sais, puis la gestuelle, tu sais, peuple à genoux, on se mettait à genoux, il fallait écouter le curé. Puis nous autres, on se met à Lire... 2 mètres à cause qu'on peut contaminer les autres du coronavirus. Ah, c'est ça. Mais regarde, tu sais, je veux dire, même au niveau de la religion, Dieu, il est grand, c'est parce que toi, tu es petit. Exactement. Puis nous autres, le gouvernement est grand, il sait tout. Puis nous autres, on ne sait pas. Fait qu'il faut qu'on se soumette puis on soit docile. C'est quoi ça? À peu près, là, tu sais, ça dégage tellement de choses, là. Puis encore là, c'est ce qu'on disait tantôt, y a-t-il quoi de changer? Il n'y a rien qui change. On est toujours dans le même flaque d'eau Mais depuis c'est des... ça, puis comparé, puis je vais terminer là-dessus, par rapport à la religion, il disait, on a notre homélie quotidienne, Saint Arruda, qui prend la parole avec François Legault, qui a point de presse à 1 heure pour nous dire quoi faire, un peu comme la messe à tous les dimanches, où le prêtre disait à ses ouailles comment penser lorsqu'il faisait son homélie. Incroyable. C'est Tu ça, regardes ça. hein? C'est bien intéressant. Franchement, là, il n'y a rien qui change. C'est juste la C'est de la forme, transposition de là. forme. Fait que là, la religion pognait plus pour culpabiliser le peuple québécois depuis la Révolution tranquille. Là, c'est la menace du coronavirus, puis on réussit à culpabiliser puis amener le monde dans peur à travers ça. C'est sûr que l'astral nous manipule, les dirigeants aussi. Tu sais, il y en a qui veulent bien faire, c'est sûr, avec les mesures, là. Mais malgré eux, comme tu disais, c'est pas eux autres qui pensent, puis ils savent pas que c'est pas eux autres qui pensent. Fait qu'ils sont manipulés malgré eux, puis... Tu sais, il y en a qui croient bien faire, comme les gens, les infirmiers et infirmières qui vont faire la promotion du vaccin pour les personnes âgées, puis tout ça. Il y en a qui sont vraiment de bonne foi. Mais c'est sûr que je comprends que, bon, la personne qui fait des chiffres de 16 heures en ligne puis est débordée n'a pas le temps de se renseigner sur les effets secondaires du vaccin puis toutes ces choses-là, tu sais. Mais eux autres, je veux dire, il y a le syndicat, il y a tout là-dedans, là, tu sais, Oui, il y a plusieurs c'est quoi? variables, en effet. Tu sais, Ménard, là, la dernière fois que je l'ai vu, là, Oui. je me souviens, là, tu sais, on était au restaurant, je m'étais levée parce que je devais quitter, là. Il m'avait regardé dans les yeux, il dit, Nathalie, il me dit, demeure toujours en observation. Toujours en observation. Fait que, sais-tu qu'est-ce que ça veut dire, ça? Quand tu es en observation, tu n'es pas dans tempête, tu es capable d'observer la tempête, donc tu es à l'extérieur. Fait que là, avec l'histoire du coronavirus, puis de l'imposition, puis le corona, gouvernement, imposition, communisme, puis tout ça, là. Fait que si on est capable de se mettre en état d'observation, on ne sera pas dans la crise, là, tu sais. D'où, encore, je répète, trouvez-vous un talking partner. Ayez de l'échange, puis c'est le temps d'avoir de l'échange, parce que là, tout ce que ça veut nous diviser, ça veut nous isoler. On peut faire quelque chose de contraire là-dedans, c'est parler. On a le droit de parler, par exemple, tu sais. Ça, jamais qu'ils peuvent nous enlever ça. Il y a bien des affaires. Quoique, présentement, il y a de la censure, hein? Depuis le début de l'automne dernier, si je pense à YouTube, il y a eu Alexis Cossette-Trudel, Jean-Jacques Crèvecœur, les gars du studio qui ont été censurés. La liberté d'expression en société, elle s'est effritée au fil des derniers mois. Et malheureusement, c'est une tendance qui est là. Ouais. Oui, mais il y a d'autres choses qui vont arriver, David, là. Tu sais, ça, c'est les moyens, là. Tu sais, oui, Alexis, nous autres, on était très proches d'Alexis, puis tout ça, là. Lui, il est découragé, ça n'a pas d'allure. Puis, la censure médiatique. Mais quand tu regardes ça, tu le vois bien qu'il y a de quoi qui se passe, tu sais, là. Si les gens, ils embarquent dans la rage, qu'ils ont été coupés, OK, c'est correct, ils ont été coupés. Mais ils sont en train de se dévoiler davantage, eux autres, là. T'sais, là, comment ils veulent fonctionner, ils veulent contrôler la façon de penser. C'est là les cues qu'il faut pogner, là, t'sais. De toute façon, on a le droit de parler ensemble, t'sais, entre nous, on a le droit, là, au pire, là, on va se faire une ligne dans la rue, puis on y va, là, t'sais, on Encore peut parler faut-il que ça ne entre soit pas entre 20 h et 5 h le matin, parce que là, il y a le couvre-feu. ça marche pas. Ben c'est ça devient compliqué, tu vois, ils nous isolent de plus en plus. David, il est 9 h, il est 9 h 30. On parle encore, c'est le fun, Oui, hein? parce que là, on est chacun chez soi, puis on n'est pas... On est chacun chez soi, puis on n'est pas soumis au confinement. Mais Mais non. même l'interface qu'on utilise de Facebook pour communiquer ensemble, il y a de plus en plus de censure. Fait qu'il faut rien prendre pour acquis, parce qu'il y a des gens qui ont été censurés sur YouTube, Facebook. Et dans le fond, moi, je sens que l'étau se resserre sur les gens présentement. Effectivement, ça se resserre. T'en souviens-tu que Bernard, à un moment donné, il parlait de l'anonymat? Puis je pense qu'on voit toute on voit toute la. C'est bizarre, ça a popé à un moment donné cette semaine, l'anonymat, là. Plus qu'on va demeurer anonyme, moins on sera intouchable, là, tu sais. T'sais, je veux dire, plus tu es gros, plus tu as de l'ego, tu sais, plus tu as. T'sais, je veux dire, eux autres, ils ont frappé là, sur des gros morceaux, Alexis, Crèvecœur, tout ça, là, Ben t'sais. oui, parce qu'il y Dans avait le... beaucoup d'abonnés, là. Donc, ils se sont pris au grand qu'il y a beaucoup d'abonnés, tandis que, dans le fond, moi, je suis plus petit, fait que j'ai plus de liberté à quelque part parce que j'ai moins d'abonnés, tu sais. Ben écoute, on dérange pas, nous autres. On dérange quoi, là, t'sais, puis on est. Whatever, là, mais c'est pas ça qui va nous enlever la capacité de parler, là. Pas ça, là. Pas en tout. Pas en tout. Il y a d'autres choses, mais on développe notre télépathie. Non, exactement. Mais je voulais quand même attirer l'attention que la façon que les événements s'orchestrent, c'est que tout passe par la numérisation des rapports humains, dans le sens que présentement, on se parle à travers Facebook et tout ce qui est numérisé, que ce soit par Facebook, téléphone intelligent, tout ça, ça peut être enregistré, puis contrôlé, puis surveillé. Puis tous les contacts en personne sont restreints, dans le sens qu'on ne peut plus se rencontrer pour un souper d'amis au restaurant. On ne peut plus se rencontrer pour une conférence. On ne peut plus se rencontrer même sur la rue, passer 20 heures. Donc, ça, c'était des contacts qui ne pouvaient pas être contrôlés par l'interface d'une machine qui s'interposait entre deux individus. Puis, ça, c'est un élément sur lequel je vais attirer ton attention, puis des gens, parce que ça nous amène à être toujours à vivre avec une machine entre des êtres humains. Tu comprends? Il y a un intermédiaire tout le temps. Là, présentement, C'est c'est ça. ça, mais c'est ce qui va pouvoir contrôler un paquet de choses. Là, t'sais. T'sais, nous, qui n'a pas de téléphone à part mon père, là, t'sais, mais tout le monde a un téléphone, là, t'sais, un téléphone portable, puis tout ça. Là, t'sais. Exact. Là, c'est vraiment rendu que mon père, là, je pense que au point où on est rendu, là, c'est toi qui es protégé. Bien, il y a comme une pression sociale à ce que tout le monde, justement, avec le télétravail, téléétude, aille un paquet de technologies. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les technologies peuvent nous espionner à notre insu, dans le sens, bien, c'est-à-dire les gens qui utilisent les technologies ou qui font de la surveillance électronique, tu sais, comme un peu aux États-Unis depuis 2001, il y a le Patriotic Act qui est en place, qui fait en sorte que suite aux attentats du 11 septembre, ben les autorités américaines n'ont pas besoin d'un mandat d'un juge, ils peuvent espionner n'importe qui, n'importe quand à travers les nouvelles technologies. Donc, on peut être surveillé par des forces gouvernementales au cas où qu'on serait peut-être une menace terroriste, tu sais. L'une des choses que j'aimerais bien savoir par rapport à toi, Nathalie, et sans doute ça va être la même chose pour certains de nos auditeurs et auditrices, c'est est-ce que toi, tu vas te faire vacciner par rapport au coronavirus. Non, OK. aucunement, aucunement. J'ai déjà eu un vaccin. J'ai eu deux vaccins pour la grippe. C'était les deux pires hivers que j'ai eu de ma vie. Là, ça s'est fait dans les années début 2000. Là. Jamais plus aucun vaccin va rentrer dans mon corps. Là. Jamais, jamais, jamais. De toute façon, le vaccin, c'est comme les gens ils ont peur. Ça nourrit ça l'éteint la peur dans la tête du monde, là, t'sais. Ah, je suis pas vaccinée, là. Je vais attraper le virus, là. C'est tout un conditionnement mental, c'est tout ce qui se passe, là, présentement, là. Si t'as pas de vaccin, là, Bien, surtout que c'est la un personne peut être vaccinée puis attraper pareil le virus, parce que de ce que je comprenais, c'est que le vaccin de Moderna ou Pfizer, qui est en réalité une thérapie génique, là, dans le sens, c'est pas un vaccin conventionnel, mais ça envoie un message à l'ARN des cellules. Ce que ça fait, c'est que si la personne attrape le coronavirus, ça va avoir des symptômes qui sont moins forts, puis elle demeure autant contagieuse, de ce que je comprenais, là. Non, mais c'est toujours été le cas des vaccins de grippe. C'est toujours le même principe, là. Ça t'empêche pas d'avoir la grippe. Ben ouais, mais j'ai entendu parler, en tout cas pour ce qui est des vaccins en général, qu'il y a des vaccins qui, dans le fond, immunisaient la personne, l'empêchaient carrément d'attraper le virus ou la maladie, puis neutralisaient la possibilité qu'elle propage, de ce que je comprends, mais je suis pas un virologue, là, je suis pas un spécialiste là-dedans, là, t'sais, Non, c'est sûr qu'on l'est pas, puis moi non plus. Par contre, c'est que ce qu'on peut savoir, c'est les gens qui se donnent un vaccin parce qu'ils ont peur d'attraper de quoi. T'sais, oui, il y a des vaccins. Il y a des vaccins qui ont été utiles, là, t'sais, le choléra. Pas le choléra, Ben, il y a eu la rougeole, la variole, il y a différentes maladies, entre autres des maladies infantiles, là, qui est pour Il y en prévenir a eu ça. beaucoup, là, t'sais, mais je veux dire. Il y a beaucoup de fabulation, puis c'est payant. C'est payant la médecine, c'est payant de donner la part aux gens, là. On est des repeat business au niveau des big pharma, là, tu sais. Fait Bien, ça peut être une que... opportunité d'affaires, justement, que les gens aient peur parce que ça va les amener à demander puis à implorer à genoux de se faire vacciner. Puis de, tu sais, ils vont sauter là-dedans puis on va peut-être avoir un taux de vaccination volontaire record cette année à cause de toute la pression sociale liée à la menace du coronavirus qu'on nous vend depuis plusieurs mois. C'est sûr que si, mettons, tu sais, on parle pour parler, parce que, tu sais, c'est payant pour l'industrie pharmaceutique de produire chaque année des vaccins, un peu comme quelqu'un qui fait des logiciels, qui fait des nouvelles versions régulièrement ou qui change de modèle de téléphone intelligent. Fait que c'est un petit peu le même principe. T'sais, chaque année, tu as un vaccin contre la grippe saisonnière, l'influenza. Bon, mais si dans l'avenir, tu as un vaccin à chaque année contre la nouvelle version du coronavirus, parce qu'on dit qu'il y a eu des mutations, des altérations, bien là, c'est à coups de milliards que les compagnies empochent de l'argent, bien, ils ont tout intérêt à ce que la crise perdure dans le temps, là, tu sais. T'sais, en business, là, qu'est-ce qui marche, là, c'est de créer un besoin au niveau de la clientèle. Là, Et un besoin qui est récurrent, je rajouterais ça, dans le sens que si à chaque année, il faut que tu te fasses vacciner, ils font beaucoup plus, vont faire beaucoup plus d'argent que si c'est une fois dans toute ta vie. En business, là, tu crées un besoin, c'est d'aller chercher une clientèle, puis la rétention de clientèle, puis le repeat Exactement. business. Fait que, regarde, tout est là. Fait que là, ils ont créé un besoin avec avec le virus. Ça a passé par la peur. Puis là, pour apaiser la peur, ben là, ils amènent une solution. Fait que les gens vont se faire vacciner. C'est correct, les gens qui se fassent vacciner, d'être là. Je dis, ça leur appartient, là, tu sais. Mais je veux Exactement. Moi, je suis pro choix, tu sais. C'est des gens qui écoutent mes enregistrements, de se faire vacciner, c'est bien correct. Mais tu sais, je veux laisser libre les gens qui ne veulent pas de pas se faire vacciner, tu sais. Ben écoute, ils vont peut-être passer par d'autres choses, là. Si t'es pas vacciné, tu rentres pas à telle place, là. Ben, Mais on n'est pas c'est. rendu Oui. là. On n'est pas rendu là. OK? C'est que là, on se ramène à aujourd'hui, Oui. puis on dealera avec. Il y a toujours quelque chose qui va se passer, là. Ils peuvent pas tout prévoir, eux autres. C'est pas eux autres qui pensent. Fait que des fois, ils peuvent avoir des fuites. Ils peuvent avoir des fuites dans leur système, dans la tête. On ne le sait pas, là, tu sais. Fait que, mais l'important aujourd'hui, c'est de rester dans le temps présent. Oui. Puis, le reste, là, qui va se passer, là, de toute façon, même si on essaie de créer des scénarios, ça gaspille de l'énergie, ça brûle d'énergie, ça brûle. C'est de l'énergie qui est perdue pour nous autres, qui est nourrie de l'autre bord, là. Tu penses-tu que ça me tente de nourrir ça, cette gang-là, l'autre bord, là? Non. Fait que j'essaie de rester présente, puis de regarder ce qui se passe dans la tête, puis tout ça. Puis sais-tu quoi, là? Hier, on parlait beaucoup, là, tu sais, de pas se prendre au sérieux, surtout. Parce que quand on prend tout au sérieux, on crée une résistance, puis c'est là qu'on rentre dans l'expérience, là, qu'on a à vivre, là. Parce que le rire est quelque chose qui nous détache, là. Tu sais, c'est comme Oui. le film Le Nom de la Rose. Il fallait pas rire là, tu sais, dans l'abbaye, là, tu l'as vu, non? The Name of the Rose. Ça me dit quelque chose, là. C'est un moine qui va enquêter parce qu'il y a des meurtres dans l'abbaye. OK, puis dans le livre, c'est empoisonné, là. Bon, il OK. s'empoisonne, hein? En tournant Mais les pages du livre, là, ouais. c'est parce que là-dedans, le gros, il fallait pas lire ce livre-là parce que ça faisait rire. Puis rire, désamorce tellement le drame. Puis les gens embarquent plus, là, ils sont plus contrôlables. Les gens, quand il y a du sérieux, les gens sont contrôlables. Quand il y a de la peur, c'est contrôlable. Mais c'est quand on prend les affaires en joke, il n'y a personne Ben oui, qui parce que rire, contrôle. ça permet de se détacher de la forme au lieu d'en être victime. On se décolle le nez du poster quand on rit, tu Oui, exactement, ça donne un recul. T'sais, tu sais. Ouais, sais, c'est absolument. ça. Fait que quand tu ris, tu peux pas te dire que tu es totalement victime de quelque chose. T'as comme un recul critique. C'est comme l'eau, là. L'eau, elle passe quand tu ris, là, tu sais. Puis, on en parlait aussi de ça hier, surtout le rire. Mais Bernard en parle souvent. Arrêtez de vous prendre au sérieux. Arrêtez de vous prendre au sérieux. Laissez passer les affaires, là, t'sais. Je veux dire, t'sais, quand ça vient d'un homme de même, peut-être qu'il faudrait essayer de l'appliquer dans nos vies au quotidien, ces affaires-là, là, t'sais. C'est sûr, quand Exact. tu es pris dans la crise, puis tu es dans le milieu du spin de la crise, puis tout ça, là, il y a un temps, il y a un temps à gérer dans la crise, puis tout ça. Puis il y a un taux vibratoire qui se mêle là-dedans, puis tout ça, mais c'est de défaire le nœud de la crise, là, tu sais. Des fois, la crise, elle se défait pas là, mais des fois, c'est juste d'aller porter, là, un truc dans le noyau, là, pouf. Là, ça se dégage, là, tu sais. Mais c'est pas nécessairement toujours comme ça. Écoute, j'ai des clientes, là, bon, c'est tellement des belles, des beaux, c'est des beaux moments qu'on vit malgré le drame de leur vie, là. C'en est incroyable, mais il y a quelque chose il y a quelque chose il y a toujours une solution à quelque part. C'est pas vrai qu'il n'y en a pas, là. Il y en a une solution. C'est en parlant qu'on la trouve. Les gens trouvent la solution. Ils l'ont dans eux autres. Mais des fois, ça veut rester dans la crise parce qu'ils sentent que, whatever. C'est parce que des fois, les gens ont Anyway. des bénéfices secondaires d'être dans la crise, t'sais, parce que t'sais, ils vont dire, ah, c'est la faute du gouvernement, c'est pas de ma faute. Fait que ça justifie un état d'inertie, t'sais, dans certains cas, là. Ils garochent tout dans la cour du voisin, ça règle rien, là, tu Ben, sais. t'sais, on l'a vu avec le gouvernement, ils ont dit, ah, c'est à cause d'une minorité, là, c'est des gens qui suivent pas les mesures. On est les Les boucs on est les émissaires. on est Comment? les gros méchants. Ben, On est c'est les gros méchants. ça, c'est ça. Les gens qui croient pas à la crise ou aux mesures sanitaires, ben, c'est les boucs émissaires du gouvernement. Ensuite, t'as Richard Martineau qui fait les chroniques dans le journal de Montréal, qui va dire, ah, c'est les COVIDiots, les complotistes. C'est à cause d'eux autres que la crise se règle pas. C'est à cause d'eux autres de la contamination, puis que la crise perdure. Fait que, ouais. Ah oui, mais ça leur prend un souffre-douleur, puis c'est nous autres, là, t'sais, voyons donc, là. Voyons donc. C'est ça. Puis ça justifie tout ce qu'ils pensent dans leur tête à eux autres, là, t'sais, puis ça se pense bien intelligent, puis en C'est plus, ça, ils pas s'en eux autres. remettent pas en question. Tu sais, moi, dans le temps des fêtes, j'ai jamais entendu le gouvernement remettre en question la gestion des hôpitaux ou des CHSLD, des résidences de personnes âgées ou qui ont encore des problèmes. Puis ça, les problèmes importants, on le sait depuis le printemps, où il y a eu des personnes âgées qui, en grande quantité, sont mortes. Puis plusieurs mois passent, ça se règle pas. Puis c'est qui la faute? Ah, ben si les gens se sont vus dans le temps des fêtes, c'est à cause de vous autres qu'on est obligé de faire un traitement choc puis un confinement extrême avec un couvre-feu parce que vous n'êtes pas sage, vous n'êtes pas correct, vous n'êtes pas fin. Fait que c'est très culpabilisateur là, quand tu regardes ça, puis infantilisant, puis ça va tout le temps pelleter de notre côté. Encore là, c'est le trip de culpabilité. Puis là, ça va chercher la masse. Puis là, ils vont utiliser la masse pour aller contre un. Fait qu'ils utilisent le nombre pour aller chercher de la force. Mais on donc, je disais, à un moment donné, je disais, s'ils pensent qu'on ne voit pas leur jeu, là, leur jeu là, est très détectable. Là, on n'est pas tout seul à voir ce game-là. Là, puis je ne me considère pas complotiste. Je me considère juste réaliste. Ouais. Bon, Exact. ils peuvent bien mettre l'étiquette complotiste, là, regarde, qui colle ça où il veut, c'est pas grave, ça change rien chez moi, là. Mais il y en a un point que je sais, c'est que je suis très réaliste. Je suis très dans le présent, puis je suis très dans OK, là, qu'est-ce qu'on a à faire? Okay? Bon, oui, il y en a des crises, oui, on en vit, là, on n'est pas immunisé contre ça, David, pantoute, là. Exactement. On n'est Okay? même pas immunisé contre le virus, apparemment, avec le vaccin. Écoute. Écoute, là, c'est effrayant, là, tu sais, là, moindrement, là, avez-vous des frissons? As-tu la fièvre? Oui, mais là, je sors d'une bactérie. J'en avais de la fièvre, c'est normal. Ah, oh, on va aller chercher du corona. Non, il n'y en a pas. Regarde, oublie ça, là. Oui, la fièvre que j'avais, c'était d'une bactérie au niveau urinaire. Il n'y a aucunement relié au coronavirus. Mais là, par contre, ben là, au lieu d'aller voir les médecins, j'ai réussi d'avoir une chance, une dose d'antibiotiques par téléphone, mais il a fallu que j'aille consulter à l'hôpital, mais j'y étais quand la température n'était plus là. Sinon, ils m'auraient classé dans le COVID, eux autres. J'ai pas le COVID, j'aurais pu attraper le COVID. En tout cas, là, je sais pas, on ne sait pas, j'ai pas été là. C'est ça, mais il Mais, aurait tu pu être obligé à faire le test PCR, faire entrer un gros aiguillon dans le nez, là. Ah, j'ai déjà eu ça au OK. début, là, quand j'ai rentré au bureau, j'ai rentré dans un bureau de notaire l'année passée. Puis oui, j'étais obligée de passer ça. Ça fait mal. Ça fait très mal, tu sais. Fait que, tu sais, c'est long, leur choc. Exactement. Là, ça commence à rentrer, tu sais plus où ça finit, tu as l'impression que ça s'en va jusqu'ici. Fait que mon kindé, tu sais, ça va tellement creux, là. Pourquoi aller si creux que ça, là? T'sais, encore là, c'est d'autres incohérences. Là. On n'est pas médecin. On n'est pas médecin, c'est pas grave. Puis je veux pas être médecin. Mais par contre, emmenez-moi de la cohérence, là, je vais toujours être là. Quand il y a de l'intelligence, c'est là. Pas ailleurs, là, t'sais. Mais là, ça a l'air d'une gang de bouffons là, qui font du jonglage. Ils échappent une balle, c'est pas grave. Le monde imagine que la balle est encore là, puis tout ce que tu veux. Mais écoute, c'est chacun a sa programmation, puis il y en a qui se réveilleront jamais dans rien, puis ils vont mourir demain, puis ils vont se réincarner un moment donné, puis ils vont. Je veux dire, ça nous regarde pas, ça, ces choses-là, C'est David. ça, c'est La une seule chose. question individuelle, puis c'est pas tout le monde qui va s'éveiller, c'est sûr, dans l'existence présente, puis exact, il faut se mêler de ses affaires. Ben écoute, je sais, tu sais, on n'est pas non plus à essayer d'imposer. Tu veux-tu la game? Tu veux-tu la game? On joue le même jeu, mais de l'autre bord, là, tu sais. C'est toujours encore dans la polarité, là, tu sais. Fait que, en tout cas, écoute, moi, là, c'est. La seule chose que je peux dire encore, David, c'est de trouver un talking partner, être capable. Ben là, Mais ça on fait n'est pas. plusieurs fois que tu nous le dis, là, mais je sais que c'est fondamental, Je là. le répète parce qu'il y en a, Oui, là. mais il y en a qui écoutent tes vidéos en diagonale, mais là, à un moment donné, là, de toute façon, la personne qui va se sentir appelée à parler, justement, ben, avoir ça va entrer en contact précisément avec toi, elle va avoir tes coordonnées en bas de l'enregistrement. Sinon, pour ce qui est du partenaire de la parole, on parle ici de parole vibratoire, ben moi, je peux témoigner que ça m'apporte quelque chose. Je fais des enregistrements où ce que je parle avec plein de monde. Puis un des objectifs à travers des entrevues que je fais, c'est de générer une vibration qui va nous sortir justement de la peur, de l'anxiété, de l'angoisse pour nous amener plus loin. Donc, Ça goûter un registre vibratoire plus élevé, ouais. change le taux vibratoire là-dedans, là, t'sais. Puis c'est pas en étant tout seul, là, t'sais. Puis quand je dis de trouver un talking partner, là, je veux pas dire les gens, appelez-moi, là. C'est de faire le tour alentour d'eux autres, puis de communiquer, puis de pas rester tout seul, parce que ce que ça veut isoler les gens. Puis les gens, ils disent, ben là, si je peux pas voir personne, je peux pas parler, c'est pas vrai, là. L'important, ça va être de communiquer. Ça, c'est aller vraiment contraire de l'intention générale de tout ce qui se passe en arrière, là, t'sais. Oui, L'important. exactement, parce que ça isole les gens, mais en même temps, pour trouver un parting partenaire, un partenaire de la parole, ça prend une sélectivité, parce que tu sais, tu peux pas parler à n'importe qui, tu sais, c'est pas tout le monde qui va te recevoir dans le respect puis l'écoute intégrale, là. Pas grave, il y en a d'autres, il y en a quelque part. Puis à un moment donné, tu vas en trouver un, ça peut être un pur étranger, t'attends en ligne, là, tu commences. T'sais, puis c'est pas de parler une heure, là. Des fois, c'est juste dire whatever, n'importe quoi. T'sais, il n'y a pas de forme là-dedans, là. C'est juste un changement de taux vibratoire d'attitude, là. Fait que, puis peu importe la personne, t'sais, tu peux parler à un enfant de 3 ans, puis ça change ta vibe, là, fait que, t'sais, c'est pas. Il n'y a pas de forme, il n'y a pas de checklist, il n'y a pas de liste d'épicerie là-dedans, Mais il y a une mais on. vibration quand même, tu sais. Si la personne est très astralisée, elle va niveler ta vibration vers le bas, tu sais. Je suis d'accord avec toi pour dire que ce n'est pas une question d'âge, puis ça peut être un enfant, puis un individu, n'importe quel âge, mais vibratoirement, t'as des gens qui ont des taux plus élevés que d'autres, c'est un constat, tu sais. Il y en a qui sont plus Il y a des capables. taux vibratoires, effectivement, mais tu sais, je donne juste un exemple de même, tu sais, avec un enfant, mais c'est que s'il ne faut pas rester tout seul et isolé, là, parce qu'il y a des gens, beaucoup, qui vont dire, OK, ils ne veulent pas qu'on, tu sais, la Distanciation sociale, oui. Puis moi, ce que je distanciation. dis, puis c'est pas moi qui l'ai inventé, là, à un moment donné, quelqu'un qui disait sur Facebook la distanciation astrale, je l'ai trouvée intéressante. Il faut se distancer de l'astral qui cherche à nous distancer des autres. C'est bon, je Oui, l'ai pas vu passer. mais il y a des choses intelligentes qui sont sur Facebook, donc quelqu'un parlait de distanciation astrale, fait que je trouvais ça intéressant. C'est bon. Ouais. Mais écoute, là, dans tout ça, tu sais, si on résume, c'est vraiment de se ramener aussi au premier principe que Bernard disait, que c'est pas eux autres qui pensent, c'est pas l'homme qui pense. Là. Fait que là, tu te demandes bien ce qui bouille dans la tête des autres, là, t'sais. Puis c'est juste des exécutants là, sur un plan astral assez serré puis assez évident, là. Fait que là, le show commence à rentrer en solide, là, t'sais. Ben, je discutais L'idée. avec Bertolt, je ne sais pas si des fois tu écoutes ces enregistrements, mais à un moment donné, il disait que, on a toujours été en dictature, sauf que de ce que je comprenais de ce qu'il disait, là, sauf que là, on le voit puis c'est apparent. Mais c'est ce que je disais avant, là, tu sais, les clôtures étaient très, très, très loin. C'est juste qu'aujourd'hui, les clôtures, là, on les voit, là. On a toujours été en dictature. C'était au sens, c'était très large, on ne le voyait pas, on ne voyait pas les clôtures. Mais là, avec qu'est-ce qui se passe, là, c'est, regarde, c'est juste, c'est du gros concentré de datite, là, t'sais, je veux dire, les clôtures sont toutes en entour de nous autres, ça a toujours été ça. On a toujours obéi, on s'est toujours levé pour aller faire vivre une compagnie. T'sais, avant, il y avait les seigneurs, puis il y avait ceux qui travaillaient pour les terres, il y avait Ben les oui, il y avait rois. les serfs, puis les seigneurs, puis il y avait différentes classes sociales. Puis là, on est rendu avec deux classes sociales pendant la crise du coronavirus et cette période de traitement choc et de confinement. On a ceux qui sont essentiels, donc les employés essentiels, puis les autres, il faut qu'ils restent chez eux pour éviter la contamination. Ben oui. Ben écoute, là, c'est un plat de bonbons plein de couleurs, puis ils essayent de séparer les couleurs. Voyons donc, C'est parce que là, c'est méprisant pour une partie de la société. T'sais, tu dis à la personne qui est coach d'une salle d'entraînement, entraîneur, ben toi, non, tu peux, t'es pas essentiel, ça peut être un lieu de contamination. Par contre, toi, tu vends de la marijuana ou tu vends de l'alcool? Ah, mais non, toi, t'es un individu essentiel pour la société, service essentiel. Fait que c'est très arbitraire la notion de qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui ne l'est pas. T'sais, c'est la même chose pour les biens. Tu vois, mettons, tu vas dans un commerce. J'avais l'image d'une photo de Dollarama là, qui avait été partagée sur Facebook. Les bonbons, c'est essentiel, mais les mitaines, non. Ça, c'est pas jugé essentiel, tu sais. regarde, ma chum a cherché un rideau de douche à Dollarama, il n'en vendait pas, mais il en vendait chez Canadian Tire. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est comme je te dis, il n'y a aucune cohérence d'une part. C'est ça, c'est très arbitraire. C'est laisser à la discrétion du commerce, c'est quoi qui est essentiel ou non. Puis c'est comme les mesures sanitaires qui ne s'appuient pas sur la science. C'est sûr que, dans le fond, je dois donner son mérite à Horacio Arruda lorsqu'il s'est fait poser la question par le journaliste pour le couvre-feu. Est-ce que ça s'appuie sur des études scientifiques, ces mesures-là? Il dit non. Il a été au moins transparent, il n'a pas été hypocrite. Donc ça veut dire que c'est purement arbitraire. Tu sais, c'est purement politique, là. C'est pas s'appuyant sur des paramètres reconnus. Il n'y a plus rien de sanitaire. Là, c'est carrément politique, présentement. Ça Exactement. peut passer par la porte du sanitaire pour implanter quelque chose. Fait que, là, ils ont vu, là, ils ont fait une étude de marché, là, voir comment la population réagissait. C'est ceux qui savent qu'il y a du monde qui va chialer et tout ça, là. Mais là, ils savent, là, tu sais, là, je pense qu'ils ont établi les poteaux de la clôture encore, là, plus serrés, là. Fait que, puis là, ils ont, tu sais, s'ils veulent pas que les gens voyagent, là, pourquoi qu'ils ont fermé les frontières, là, tu sais? Mais là, ça va donner une raison pour dire, ah, le COVID-21 est rentré, là, tu sais. J'ai le game, là, tu sais, de Oui, tout, bien là, là. c'est sûr que dans le fond, depuis en tout cas un certain nombre de jours, on parle d'une nouvelle variante de coronavirus qui vient de l'Angleterre, de d'autres pays. Puis là, on a même parlé que la variante au Canada. Puis là, tu sais, j'ai l'impression qu'on essaie de mettre en place une autre version qui pourrait justifier encore plus de mesures. Puis. La mutation, voyons, la mutation, c'est extraordinaire. Mais écoute, moi, là, comme je te dis, peu importe ce qui va se passer, même dans le futur proche qui s'appelle demain, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. L'important, là, c'est de rester prête là. Prête là, puis c'est parce que si on va dans le futur, puis on essaie de s'inventer des scénarios, parce qu'on essaie de calmer la peur. Ouais. T'sais, là, parce qu'on s'invente des scénarios, on est gagnant là-dedans, mais le scénario, là, en tout cas, s'il y en a un s'il y en a un qui écoute puis qui s'invente des scénarios puis ça marche, là, qui m'approche, là. T'sais. Parce qu'il n'y a pas un scénario, là. Quand tu as peur, il n'y a aucun scénario qui arrive. Mais des fois, on peut tomber pile. C'est ça que c'est un petit peu comme quand on joue au poker ou à un jeu de hasard. Comme moi, l'automne passé, je parlais de la possibilité qu'il y ait un couvre-feu au Québec. Puis là, je discutais de ça avec des gens, puis j'ai même parlé de ça dans le cadre d'un enregistrement, puis ah, ben, tu sais, les gens me croyaient pas, parce que, tu sais, je dis, c'est en France, ils vont probablement reproduire la même chose ici. Là, c'est arrivé. Mais en fait, comme tu dis, je suis d'accord sur le principe, il faut pas passer notre temps à jouer avec des scénarios parce que c'est pas nécessairement intelligent, là, c'est sûr. C'est de la perte d'énergie. Exact. D'ailleurs, il faut garder nos énergies à nous autres, là, parce que si, si on perd l'énergie ici, c'est qu'à va ailleurs. T'sais? Fait que tu veux-tu être la vache à lait de l'autre bord, là? Ça dépend. Non, Ben, exactement, là, tu sais, je veux pas être vampirisé par l'astral, puis être affaibli dans mon énergie pour justement avoir une moins bonne immunité psychique et physique pour faire face au virus. L'immunité psychique, effectivement. Mais de toute façon, on est tous programmés aussi, David, là. C'est Ouais. pas fataliste. Mais par contre, quand tu augmentes ton taux vibratoire, c'est que ce qui devrait se passer, c'est comme je disais, c'est, mettons, c'est prévu, là, selon le plan, la programmation astrologique, que tu te fasses ramasser par un truck, par un camion, un accident d'auto. Oui. Mais quand on élève notre taux vibratoire, l'accident d'auto peut devenir juste de se cogner un orteil sur le coin d'un bureau, là, t'sais. Il y a toujours un impact. On ne change pas la programmation, là, taux vibratoire ou pas, on ne change pas notre programmation astrologique. Sauf qu'on change, Ben, ouais. on modifie. Qu'est-ce qui est modifié? C'est l'impact des événements. Ben, on peut changer le rapport à la programmation dans le sens d'être moins perturbé par l'événement qui est programmé ou la programmation astrologique. Mais à un autre niveau, mais là, c'est sûr que je parle pour dans un futur sans doute lointain, là, mais éventuellement, quand l'être humain aura totalement intégré la fusion, il va commander à la matière. Donc, il va pouvoir éventuellement commander aux événements ou commander aux astres pour pas justement être soumis à une programmation astrale ou astrologique. Non, pas tout de suite. Non, mais c'est ça. Je le parle par rapport à un avenir lointain, là. C'est sûr qu'avant de commander à la matière, il faut commencer par l'intégrer, hein? Il faut commencer à être centrique. À intégrer l'ego, là, à rendre ça transparent, là. Imagine contrôler la matière, puis quand tu as un ego, ça va bien aller. Non, non, mais c'est sûr que si quelqu'un qui commande à la matière puis est très orgueilleux, si on prend un fanatique religieux, ben il va en tuer du Oui. monde, puis on va en faire des attentats terroristes. La personne ne peut pas mourir parce qu'elle est immortelle, puis elle commande en matière, on va en faire du dégât, puis du grabuge, un manque d'ajustement, tu sais, puis de l'endoctrinement. C'est Mais tu ça. sais, encore là, tu sais, quand est-ce qu'on sait que c'est de la programmation? Quand est-ce qu'on sait que c'est intelligent ce qui se passe? T'sais? Y a-t-il des signes? Y a-t-il des affaires? C'est toujours des questionnements qu'on peut se poser la question. C'est intelligent? Qu'est-ce qui nous dit que c'est intelligent? Qu'est-ce qu'on fait là? Ben non, c'est de la programmation. T'sais. Ouais, non, je comprends ce que tu veux dire, mais moi, la façon que je le vois, c'est au niveau vibratoire, dans le sens que la vibration plus haute que tu peux capter par rapport à quelque chose, ça te donne une mesure d'à quel point cette chose-là est réelle ou non. Bon, mais tu sais, je veux dire, si tu es programmé à faire ça va-tu être le taux vibratoire? Ben, parce que, tu sais, une vibration, là, c'est comme... Ça, c'est les expressions de Daniel Non, mais Ménard. c'est Avant une correct, on peut y aller avec l'envie de chier, là. C'était celle-là que tu avais en vibration... tête, là. C'était celle-là? Là, une vibration, c'est comme une envie de chier, Oui, là. exactement. Ça, à un moment donné, on avait parlé de ça, tu vois, je m'en rappelle encore, puis ça fait plusieurs mois, là. C'est un bon exemple. Regarde-les autrement, c'est comme ça, là, tu sais, ça te pogne une vibration, puis c'est pas discutable, ça se réfléchit pas, ça se fait, that's C'est it. ça, quelqu'un Comme qui a la des... diarrhée, il n'a pas le temps de réfléchir. S'il ne va pas aux toilettes, il défèque dans ses culottes. Donc, il n'y a pas d'espace pour la réflexion. Ouais. Ah non, mais c'est parce que les gens, ils vibrent, ils pensent, puis ils agissent, tu sais, voyons d'autres, tu sais, fait que, mais écoute, tu sais, il y a un temps pour tout, anyway, David, puis comment je te dirais, il y a un temps, puis c'est, le temps est individuel à chacun, tu sais, il y en a, là, ils disent que la fusion, c'est leur but, là, pas à une minute, rentre pas là-dedans, là, c'est le chemin pour y aller qui est plus important que le but, là, tu sais. Fait que, il y a toutes sortes de... Moi, il y a une vision de. C'est ça, il y a des gens qui voient ça comme si c'était l'ego qui décidait qu'il pouvait fusionner. Ah oui. Ouais. Ah oui. Il y en a qui décident, c'est moi qui fais descendre l'énergie. Écoute bien, là. Ils pensent qu'ils sont en contrôle, puis c'est nous autres, on va la faire descendre l'énergie. Seigneur, c'est tellement une grande illusion, là, t'sais. Bien, ça Sont rendus. dépend. Tu sais, il y a le principe de la colère mentale où la personne s'oppose vibratoirement puis créativement à l'esprit pour le forcer à parler. Tu sais, Bernard qui forçait son esprit à sortir du silence, là. Il y a une réalité derrière ça. Ça prend de la volonté, c'est sûr, mais il y a quelque chose. Ben, la colère, mais tu sais, la colère, elle se développe avec les événements. À un moment donné, c'est quand tu as décidé que c'est assez. Puis je disais, je parlais de la victime. Quand tu es victime, tu n'as pas une colère, tu as de la rage là, qui sort. Mais à un moment donné, là, c'est comme la colère, ça, c'est relié beaucoup avec des événements. Puis c'est quand tu es écœuré, pas juste être écœuré de quelque chose, c'est quand tu es écœuré d'être écœuré, là, il y a quelque chose au bout de ligne qui sort. Là, t'sais. Là, il y a une colère. OK, là, ça l'arrête là. C'est calme, puis ça met de l'ordre, une colère. T'sais. Tandis que quand tu es victime, ça fait de la rage, puis ça met de la merde partout. Là, t'sais. When the shit hits the fan, là, ça tourne, puis il n'y a rien qui se règle. Là, t'sais. Puis tout le monde accuse tout le monde, puis tout ça. Là, t'sais. Il y a vraiment une différence, puis la colère est électrique. Puis quand il y a une électricité qui est là-dedans, la volonté, elle se développe aussi là-dedans. Là. On ne décide pas, OK, je vais être volontaire, je veux de la volonté un matin. Là. Pas de même, ça marche, là, la volonté. Là. Pas tout. Non, mais la personne est souvent mise en vibration malgré elle-même, sans que l'ego ait choisi par un événement oppositionnel pour monter en volonté. Tu penses que l'ego choisit, toi? Non, j'ai dit sans que l'ego choisit, il est mis en vibration par un événement qu'il n'a pas choisi, qui l'amène à monter en volonté oppositionnelle par rapport dans son rapport de force avec l'esprit. Ouais, mais écoute, c'est que la colère amène tellement de... C'est juste l'image qui me revient. La colère, il met un champ électrique hallucinant, là. C'est comme on a toujours l'air enragé tout le temps, là, t'sais, ben, d'après le monde, là. Je suis pas enragée, là, t'sais. Mais bon, tu es intense quand tu parles, là. Ça, on appelle ça une colère, t'sais. Puis la colère, ben, ça l'initie la volonté. T'sais, à un moment donné, là, ça prend une colère pour aller contre, là, t'sais, s'écouter soi-même, là, oh, ça me tente pas de faire ça. J'ai ça à faire, là. Puis ça me tente pas de le faire, là, t'sais. Mais là, à un moment donné, ça prend une colère, puis ça prend une volonté pour passer là-dedans, là. Fait que, tu sais, les deux chevauchent, la colère puis la volonté. Oui, T'sais, tu ben peux pour pas avoir sortir de une volonté l'inertie, c'est sans ça. colère. Oui, c'est ça, c'est pour sortir de l'inertie. Tu sais, à un moment donné, c'est comme la personne, elle met son poing sur la table, puis elle va dire, tabarnak, ça va faire, là, je vais arrêter de passer mon temps à écouter bulletin de nouvelles, je vais aller laver ma vaisselle, là, tu sais. Bernard, il y en a une conférence là-dessus, s'écouter soi-même, pas pire. Excellent. Bon, en tout cas, c'est bien le fun, David. Puis je vais te remercier beaucoup de l'invitation. Ça fait là, on se faisait un petit bout qu'on ne s'était pas parlé. Ben oui. Puis comment je te dirais ça, non? C'est la première fois qu'on est filmé d'ailleurs, là. T'sais, je pense que ça fait cinquième fois qu'on est ensemble à peu près. Hein. Ça fait cinq fois, je crois. Ben au fil Ouais. des ans, une fois de temps en temps, on a fait des entretiens, puis là, c'est la première fois en effet qu'on est filmé ensemble, puis c'est sûr que les gens qui ont envie d'entrer en contact avec toi pour une consultation. Comme mentionné précédemment, début d'entretien, ben, je vais mettre les coordonnées en bas de l'enregistrement. Et puis, Parfait. c'est sûr que les gens qui apprécient écouter les entrevues que je fais, puis les enregistrements que je rends disponibles au public, parce que j'en ai au-dessus de 500 que j'ai Hey, faites au fil du temps. Ben oui, j'en ai faites pas mal. Donc, puis en bas de l'enregistrement présent, vous allez avoir un lien archive.org pour accéder aux enregistrements, venant que vous avez envie de télécharger un MP3 pour écouter ça. C'est sûr qu'en période de confinement, il y en a qui ont plus de temps disponible. Donc, oui. ça peut être propice à ça. Et c'est sûr que pour les gens qui apprécient donc tous ces enregistrements que je rends disponibles au public, eh bien, vous êtes les bienvenus pour me faire parvenir une contribution financière via les services de paiement sécurisés, que sont PayPal et également Interac. Vous allez avoir les coordonnées là, naturellement là, en bas de l'enregistrement présent. Là, ouais. Parfait. Donc, c'est ce qui va compléter. T'avais-tu quelque chose à rajouter? Écoute, Encore là, je te remercie beaucoup de l'invitation. J'invite les gens qui ont besoin de discuter, de régler des choses. Je suis disponible. Ça se fait par rendez-vous. Je le fais généralement par Messenger vocal, ce qui est plus vite, ce qui est plus accessible pour tout le monde. On peut le faire par WhatsApp. J'en ai fait par WhatsApp aussi. Mais beaucoup, beaucoup par Messenger, puis on paye par PayPal, effectivement. Voilà. Donc, c'est excellent. Donc, merci pour tout le temps que tu m'as accordé aujourd'hui dans le cadre de cet entretien qui dure un peu plus de 2 heures. Donc, écoute, je te dis à bientôt. Hey, merci. Bye, à la Bye. prochaine. Bye tout le monde.